Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur deux à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, nous sommes là. Comme tous les dimanches, un dimanche sur deux, même à 11h pour parler jeux vidéo avec les bros, c'est Super Radio Bros. Bienvenue à tous, c'est JV en direct des internets mondiaux. Votre nouveau rendez-vous, on va parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes, apprendre des trucs en s'amusant, le tout avec vous sur le chat et avec vous ici en studio. Enfin, presque vous tous ici en studio, puisqu'il y a Yako et Spider-Man aujourd'hui. Salut Spider-Man. Voilà, et Jay qui est là, mais qui est pas vraiment là puisqu'il a le Covid, mais Jay est quand même là. Salut Jay. Salut. Ah bah voilà, tu vois, on l'entend. Merci à tous pour les partages, les écoutes hein, depuis le début de la saison. Si vous ne nous connaissez pas encore, n'hésitez pas à nous follow sur Twitch pour le direct, mais aussi sur YouTube avec la VOD ou sur toutes les plateformes de diffusion. Après le live, Apple Podcast, Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify, PodCloud, Podcast Addict, tout ça, tout ça. Toutes les infos dans la description. Et évidemment, on partage, on like, on active la cloche hein, vous savez, vous connaissez, pour soutenir la production libre et gratuite. Objectif 70 followers sur le Twitch, JV. Maintenant on est à 60 aujourd'hui. Et comme toujours, je suis avec la famille, avec les bros de Super Radio Bros que je vais présenter. Non, cette semaine j'ai la méga flemme, tiens. Eh ben alors tu présentes pas, ça me va. Bah aussi. Voilà, j'ai la méga flemme de faire une accroche comme à chaque fois. Donc il y a Jay qui est là, qui est souffrant mais qui est là. Et on se retrouve en tête à tête avec Yako. Et puis il y a aussi Jack alias The Bass Prophet qui est dans le chat, qui est là. Il y a Jamet aussi qui est là. Pieu, ouais. Qui est dans son pieu, ça c'est sûr. Il ouais. Y a Chronica qui est là aussi, tout le monde est là. But. Il est où Yul Brynner? Eh ben Yul Brynner, il est malade, il y a le Covid, t'as qu'à écouter l'émission. On a, comme ça en plus, on a 2 minutes pour parler un petit peu de nous et pour prendre des nouvelles, ça va? Ben ça va, voilà. Ça va mieux, ça va. Ça va, parce que tu n'étais pas là pendant 2 émissions. Et oui, j'étais un peu occupé. Voilà, et des gens te réclamaient à corps et à cri. Et pourtant, voilà, je suis là, je suis de retour. Voilà. Tout va bien. Et Jack et Jay, par contre, lui a pris du repos aussi pour sa maladie. On le rappelle, hein, il va bientôt nous quitter. Ouais. Voilà. Et tu sais que je viens de me rendre compte que j'avais même pas follow la chaîne. Bravo! Bah, voilà. Ça y est, ça commence. Du coup, je voulais répondre à Jack et bah, ça m'a dit oui, il faut être follow d'abord. Et bah voilà, l'ambiance est délétère déjà dès le début. Pôle emploi direct. Allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bienvenue dans cette nouvelle émission. Hein, 1h30 de débat sur l'actu du jeu vidéo sur toutes ses formes. Au menu cette semaine, après les coups de gueule et les coups de cœur de la rédaction. À 11h15 il y aura Psartek ou Balek évidemment avec les dernières actus. Dans une demi-heure la chronique True Story Bro de Yako, puisque Yako vient de revenir, donc voilà, il travaille hein, direct hein. C'est ça hein, la réforme de retraite, toi même tu sais, faut ses annuités là. Si. En deuxième partie d'émission on va parler des jeux qui sont devenus trop chers ou pas hein. On vous attend nombreux dans le chat pour donner votre avis, voilà. Est-ce que les jeux sont devenus trop chers, est-ce que c'est un loisir de luxe et de niche et de gens cons et vieux et pétés de thunes. On fera aussi un peu le point sur les nombreuses conférences et annonces de ces derniers jours chez plusieurs éditeurs. Et ensuite, Café 80, votre rendez-vous du rétro gaming. Et puis en fin d'émission, évidemment, notre traditionnel quiz des gros bits avec le retour de Yako qui a été remplacé par le super sub Skrilltarl pendant 2 semaines et qui n'a pas gagné beaucoup de points à cause de lui. Ouais. Et cette fois, notre joker téléphonique jouera pour Jack, ce sera Jamet. Jamet aujourd'hui, fidèle acolyte qui nous a suivis depuis très longtemps, depuis Game Trip et encore même avant, et qui sera là pour donner ou faire perdre des points à Jack. Et il y a Jay également qui est là au téléphone et qui pourra donc jouer pour lui-même, hein, comme ça il pourra ne pas trop perdre de points. Et qui mène toujours la danse, les petits potes. Mène toujours la danse. Attends, on était à combien? On va y arriver, on va y arriver. Est-ce que j'ai les chiffres? On était à 6. C'est 6-5-4, je crois. 6-5-4, ouais, ça doit être ça. Oh non, mais je crois même qu'il y avait. Ouh, attends, je crois même qu'il y avait 6. Ah non, non. J'allais dire Yako avait encore moins de points, mais non. 6-5-4, 6 pour Jay, 5 pour Jack, 4 pour Yako. On verra ça à la fin de l'émission, évidemment. À celui qui perd, on le rappelle, payera son tacos. Triché parce qu'il y a un mois, j'avais donné la bonne réponse et t'avais accepté la réponse de je ne sais plus qui. Oui, parce que c'était lui ton super sub, et voilà, hein, il fallait pas donner les clés du camion à n'importe qui. Il y avait du favoritisme. Toujours présent, toujours debout. De la manigance, évidemment. On le rappelle, hein, toujours la banane, évidemment. On va commencer tout de suite, les amis. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais on va commencer tout de suite par les jingles, par le coup de cœur et les coups de gueule. Je dis le jingle parce que Jay, étant au téléphone, n'entend pas le retour de exactement. La table. Donc, c'est parti pour les coups de cœur et les coups de gueule. Les coups de cœur et les coups de gueule. Le jingle est passé, Jay. Oui, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ne t'emmerde pas avec ça. À partir du moment où Yako rouvre sa gueule, ou toi, je sais que tu peux parler. Est-ce que... Qui veut commencer? Qui veut commencer? Allez, on lève le bras. On lève le bras. Jay, je te vois pas lever le bras. Moi, je lève le bras parce que... Non, mais je le fais parce que j'ai 15 jours de retard. Allez, Yako, pas parler pendant 15 jours. Je suis venu... Tout de Goldorak vêtu. C'est vrai. Alors certes, vous en avez parlé il y a 15 jours. Oui. Mais bon, ben moi, c'est mon coup de cœur-gueule. Mm-hmm. Parce que, bon, étant gros fan de la série... alors, pas de la série animée, parce que c'est de la merde, mais des bouquins. Gros fan, on le dit. Ouais, gros fan. J'ai un Goldorak chez moi à la maison. J'ai plein de t-shirts, plein de... D'ailleurs, on n'a pas dit l'autre fois qu'on en avait... Que c'était pas une news où on a dit Balek, en plus. Non, on en a parlé. Alors, ta gueule, parce que c'est moi qui parle, je déjà. Moi, je Balek, mais... oui, toi, oui, voilà, ça, c'est sûr. Toi, ta gueule. Mais sinon, je suis un peu mitigé, quand même, parce que je me dis, un jeu Goldorak, ça n'a jamais vraiment existé en bien. Il y avait un jeu de baston tout dégueulasse, je crois, sur Super NES ou un truc comme ça. Enfin, c'était tout pourri. Et là, je me dis, ouais, un petit open world et tout, mais quand j'ai vu les images, j'étais genre, hein. Bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est ça ressemble à tous les trucs qu'ils font. C'est quoi, c'est Microïd qui fait ça, encore une fois? Je sais pas, c'est des Français qui font oui, ça. Oui, Microïd, je pense. Oui, c'était Microïd. Ouais. Et ça ressemble à tous les trucs qu'ils ont adapté. Genre, quoi. Mais c'est nul. Ça ressemble à Dragon Ball, machin, je disais. Enfin, ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Comment il s'appelle Kakarot. Voilà. Ouais, mais... Hein. Voilà, donc c'est un peu un coup de cœur, coup de gueule, parce que je suis content qu'il y ait un vrai jeu Goldorak qui va sortir. Comme beaucoup. Et en même temps... Pas trop. C'est sceptique. Ben oui. Comme Isabelle Nanty. Oh, la référence d'il y a au moins 3 ans. Ben oui, oui, c'était oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Oui, bah, on est d'accord, j'en ai plutôt d'accord, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Bah, moi, je vais rester un petit peu sur les adaptations un petit peu d'animés de notre époque. Moi, ça aurait pu être Budokai Tenkaichi 4, mais on va en parler tout à l'heure. Bah oui. Donc, c'est vraiment mon gros coup de gueule de ces derniers jours, c'est ça. D'ailleurs, vous le voyez juste devant, là, il y a toute la collection des Budokai Tenkaichi. Mais non, tiens, je vais pas parler de ça. Du coup, on va en parler tout à l'heure. Alors, je vais parler d'autre chose. D'ailleurs, je pensais que tout le monde allait le prendre, Budokai Tenkaichi 4 en coup bah de non. cœur. Moi, j'avais 15 jours de retard. Mais voilà. J'ai choisi plutôt l'annonce de City Skyline 2. Bah oui. J'ai environ 300 heures de jeu sur ce premier jeu. Alors qu'en vrai, j'ai pas joué tant que ça. J'ai joué 6 mois au final. Donc ça fait quand même... Bon après, c'est 6 mois sur un jeu de simu de City Builder, ouais, c'est 300 jeux, c'est 300 heures, c'est pas mal. Jeu qui a permis à ma chaîne, sur laquelle vous regardez peut-être cette VOD, j'y vais, de décoller à l'époque avec le modding, puisque c'est un jeu qui favorisait vachement le modding, et il y avait une énorme communauté de modeurs au-dessus. C'était en même temps que le modding de GTA V, c'est les vidéos qui ont vraiment fait grimper ma chaîne à l'époque. Je faisais partie d'un collectif qui s'appelait le French City Designer, où c'était des mecs qui étaient hyper chauds dans le modding et tout ça, et qui recréaient des villes, voire des pays entiers dans City Skyline. C'est l'instant auto-fellation. Non, mais c'était... Bah non, parce que je salue d'ailleurs Yen Brana, Neguchi, tous les gens de l'époque qui ont encore des chaînes YouTube, des grosses chaînes YouTube, et qui ont continué là-dedans. Moi, le problème, c'est que ça m'a pris tellement de temps. Ça m'avait fait ça un petit peu avec d'autres jeux à l'époque comme Zoo Tycoon. C'est que ça me prenait tellement de temps que j'ai eu peur à un moment et que j'ai arrêté, et que j'ai vraiment arrêté complètement. J'ai fait un vrai break de en mode si je continue, je vais juste perdre ma vie, quoi. Un peu ce que t'as pu connaître avec ce que des gens ont pu connaître avec Warcraft, avec Minecraft. Avec Roller Coaster Tycoon aussi. Voilà, exactement, bah oui. Et donc t'aspires ton âme, le truc. Le jeu, c'était un vrai gouffre. J'ai arrêté par peur et c'est difficile d'y retourner tellement la commu du modding est incroyable dessus. Il y a des millions de trucs sur le truc de modding de Steam, je sais plus comment ça s'appelle, le Steam Workshop. Ouais. Et je pense pas l'acheter le 2 par crainte de replonger, mais c'est un énorme kiff. Ce jeu est vraiment, pour moi, le jeu de City Builder le plus réaliste et le plus complet au monde. Si le 2 est aussi bien, voire mieux, je pense que ce sera un énorme kiff et je le conseille à tout le monde. Donc pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est un des jeux de la décennie et c'est un gros coup de cœur. Donc voilà. Jay, vu que tu t'en battais les couilles de ce que je viens de dire, exactement, vu que c'est un City Builder. Alors, mais alors, vos deux coups de gueule et cœur, j'en ai. C'est vrai que c'est du Balek. Est-ce que je les interromps en disant Balek, mais non. Allez, fais-nous rêver, vas-y. Ce qui est bien, c'est que là, je peux le couper non, et on le voit même pas. Allez, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Je vais pas faire original en ce week-end d'Early Access de Diablo 4. Ouais, bah oui. Mais du coup, alors c'est un peu coup de flip en fait surtout, et coup de cœur au final après. C'est, le coup de flip, c'est parce qu'en fait jeudi je crois, il y a une vidéo qui a été entre guillemets promotion qui a été sortie par Blizzard sur Diablo 4, et c'était deux devs en fait qui jouaient chez eux sur la Xbox. On sait pas quelle Xbox, mais ils jouaient sur un canapé et ils se papotaient entre eux, et en fait ça alternait entre eux, des plans de des deux devs qui jouaient et qui discutaient entre eux en disant ah c'est trop bien et tout ça. Et de l'écran donc où on voyait la coop locale. Et en fait, le problème, c'est que la coop locale, alors l'écran était un peu chargé parce que bah, effectivement, il y a deux interfaces à afficher et tout ça. C'est pas nécessaire, c'est un peu, oui, voilà, c'est chargé, mais c'est normal. Et par contre, le jeu était dégueulasse. Il était beaucoup trop lumineux. On aurait vraiment dit Diablo Immortal sur le jeu, enfin, à l'écran, quoi. Et ça a fait vraiment flipper. Et du coup, non, je répondrai après à Jack. Oui, Jack qui dit Early Access était malade, coïncidence, je ne crois pas. Non, mais de toute façon, j'ai fini la bêta hier, hein, donc ça aurait pas changé grand-chose. Et alors ? Et bref, et ça a vraiment fait peur en fait à plein de monde, et parce que tout le monde s'est dit, putain, en fait, le jeu, il est moins beau que Diablo 3, typiquement. Alors que j'y avais joué donc en 2019 à l'époque. À la BlizzCon là, et il était déjà beaucoup plus beau que ça, donc ça rimait à rien, à part s'il était revenu en arrière à fond. Et au final, donc on a pu jouer depuis vendredi fin d'après-midi, et le jeu est vraiment bien plus beau. Pas non plus un gouffre entre Diablo 3 et Diablo 4, parce que bah, il demande une config qui est pas nécessairement il demande pas un truc comme pour comme pour les derniers jeux qui sortent avec 32 gigas de RAM en recommandé et compagnie. Hein. La 3D ISO, ça demande pas non plus. Ouais, voilà, c'est clairement respectable. Et même moi, avec ma 1070, je crois que j'ai toujours 8 gigas de RAM, ça tourne tranquille. Et le jeu est vraiment beau et il y a énormément de choses à faire. On a flippé un peu, clairement. Et ils se sont pris des sauts de merde parce que pour avoir sorti une vidéo aussi naze, et à raison, ouais. Et au final, ça s'est bien passé et il n'y a pas trop de file d'attente non plus. On aurait pu croire que ça aurait été vraiment la merde avec tous les streamers, tous les gens qui voulaient tester et tout. Et au final, voilà, ça se copie plutôt bien pour un premier week-end de. Ta phrase, Jamet, il dit t'abuses, il est grave beau. Ouais, oui, non, mais oui, non, il est beau. J'ai dit qu'il était moche, non. Non, il est beau, il est un peu mieux que Diablo 3, mais pas non plus. Il n'y a pas un monde, je trouve, un monde d'écart entre les deux, quoi. Mais il est très beau, Il n'y a pas plus beau qu'Hack & Slash actuellement. Oui, bah en même temps, les Hack & Slash, c'est quoi ? C'est Wilson qui a 3 euros de budget. Ouais. Et Diablo Immortal, ton jeu préféré, d'ailleurs. Lost Ark, on va dire. Allez. Lost Ark, ouais, Lost Ark, moi, j'aime pas trop, personnellement. D'ailleurs, là, Diablo 4 est en train de devenir plutôt un MMO, RPG, action, RPG, qu'un vrai hack and slash, mais bon, on pourra en rediscuter. On en discutera, pas dans cette émission, parce que c'est chiant. Voilà. J'essaie de pas te débrancher. On en parle dans 3 mois, quoi. S'il te plaît, oui. Prendre un coup de jus, sinon je vais décéder. Mais alors, c'est un coup de gueule, de cœur ? Non, un peu des deux, toi aussi. De flip plus de cœur. D'accord. Ok, bon, je vais refaire un jingle. J'allais ainsi. Dire, voilà, coup de gueule, coup de gueule. Coup de gueule, coup de gueule, ouais, comme je dis d'habitude, voilà, un coup de gueule. Un coup de fleur. Ok, et bien, très bien. Merci pour ces coups de gueule et coups de cœur. Maintenant, on va passer évidemment à la chronique, enfin, à la partie que tout le monde comprend, sauf Jack. Voilà. C'est la rubrique. On est entre gens intelligents aujourd'hui. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, c'est donc Psartek ou Balek ? Sartek ou Balek. On le rappelle hein, pour les auditeurs qui viennent de nous découvrir et pour Jack, je vais vous donner la liste des news qui sont tombées ces deux dernières semaines. Jack qui dit qu'il comprend rien comme d'habitude. soit la news vous intéresse, vous dites Sartek et on en parle, soit elle ne vous intéresse pas, vous dites Balek et on n'en parle pas. Et on va demander à Jack donc de ne pas utiliser le chat pendant une petite dizaine de minutes. Merci. The Last of Us qui fait un nouveau record. La saison 2 s'annonce, la saison 2 évidemment de l'adaptation. Et puis un peu de neuf aussi pour The Last of Us 3 éventuellement. Est-ce qu'on en parle à Psartek ou Balek ? Psartek, hein. Évidemment. Babalek. Oui, ouais. Mais toi, t'es aigri, toi. Bon, bah, il y a eu un Psartek, donc on est obligé d'en parler, malheureusement. Ouais, c'est pas que ça m'enchante non plus. Première saison, on va en parler vite fait. Première saison terminée, évidemment, pour The Last of Us sur HBO, avec, on s'en doutait, mais là, c'est officiel, un carton phénoménal. Ah, oui. La série dépasse House of the Dragons, qui était le record jusqu'à présent. Mm-hmm. Record de l'audience moyenne. C'était une moyenne de 15 millions par épisode au troisième épisode pour The Last of Us. Ouais. Maintenant on est à 30,4 millions de moyennes arrêtées au 6ème épisode, comme le 8ème là, qui était il y a pas longtemps, a fait un record d'audience, ça devrait encore plus grimper. Le final a fait quand même 8 millions en direct sur HBO. Donc ça donne quoi? Saison 2 renouvelée déjà. Oui, bah oui. Bella Ramsey qui est reconduite. Ouais. Elle est pas qui si sera plus en âge, ouais, qui sera plus en âge de son personnage dans la deuxième ouais, saison. Après, elle a quand même pas mal pris des sauts de piste sur la tête. Elle est pas si nulle, mais ça colle. Physiquement, ça colle pas. Dans le ouais, jeu mais, va, mais ok, mais après, alors je trouve pour l'avoir, je fais une petite parenthèse très rapide. Pour en avoir déjà parlé il y a quelques semaines, mois presque, il y a déjà des scènes qui sont plan par plan. Il y a déjà des persos qui se ressemblent beaucoup. Le fait qu'elle soit pas à 100, et franchement, il y a même des images sur internet que tu vois où mine de rien, elle y ressemble quand même. Le fait qu'elle soit pas à 100% pareil, c'est pas très grave en fait. Non, mais quand tu fermes les yeux, parce que le jeu il est bon, le jeu d'acteur. Oui, mais à ce compte-là, on peut mettre Whoopi Goldberg à la place, enfin pour jouer Ellie quoi. Ouais, et alors ouais, elle est vieille, elle a pas de sourcils, c'est quoi le problème? Whoopi Goldberg n'a pas de sourcils. Ah, très bien. Vous vérifierez sur Google. Alors, ne me croyez pas, ne faites pas confiance. Et alors, hein, demandez à Jay qui n'a pas de sourcils. Et alors, je crois. Et alors, Edouard Philippe, du coup, n'a pas de crédibilité. Edouard Philippe, lui, moins, beaucoup moins. Non, bah voilà. Non, mais non. Après, évidemment, il faut raison garder. On va pas mettre quelqu'un qui a rien à voir. Mais elle est pas non plus à l'opposé du personnage dans le jeu vidéo. Bah, disons, c'est. Elle y ressemble vaguement. C'est une femme. Elle est jeune. Voilà. Et elle a un visage ovale. Voilà. Voilà. Non, ouais, elle a un visage. Ovale carré. Elle a un visage parallépipède. Par rapport à. Non, on avait dit pas le physique. Mais non, mais par rapport à. Non, on avait dit pas le physique. C'est pas le même visage. Enfin bon. Craig Mazin et Neil Druckmann aussi seront reconduits, évidemment. Et normalement, ce sera découpé en deux saisons. Parce que. Parce que Arja. Une sur Ellie, une sur Abby. Et pour l'instant, on sait pas qui jouera Abby, normalement. Voilà. Bah elle va manger cher. Hein, celle, mais alors juste une question parce que j'ai pas regardé moi. Hein, je vous ai dit je veux finir le jeu même si je connais la fin du jeu. La fin de la saison 1 c'est la fin du jeu de la Sofas. Oui. Ah oui d'accord, donc là tout le monde a vu le truc qui fait pleurer tout le monde alors. Normalement, enfin moi j'ai pas vu le dernier épisode mais. Bon, j'en parle pas parce que c'est la saison 2. Le truc qui fait pleurer c'est qu'ils annoncent qu'il y a une saison 2 mais bon après. Mais putain il est vraiment aigri ce gars. Je vois pas le problème qu'il ressemble pas à lui. Est-ce que tu peux enlever l'élastique qui serre tes couilles s'il te plaît? Hein, ça, je pense que ça ira mieux après. C'est tout le monde sera. Chronica il dit je vois pas le problème à ce qu'elle ressemble pas à Ellie. Et bon, Jamel dit elle tient l'esprit du perso, clairement elle fait le taf. Ouais, on demande juste qu'elle joue bien, dit Chronica. Bah oui, non mais bien sûr. Mais après c'est vrai que elle s'était pris des sauts de merde parce qu'elle ressemblait pas. Et elle d'ailleurs, en saison 2 elle ressemblera toujours pas à Ellie, bah non, je pense. Hein. Bah non. À moins qu'elle fasse de la chirurgie esthétique entre les deux. Et d'ailleurs dans la vraie vie on va dire Ellie, enfin Bella Ramsey, elle a quel âge? Ah bah là, elle a l'âge du perso, elle a 18 ans. Là, elle a 18 ans, là. Donc, à peu près le 2, elle a 19 ans, Ellie, donc ce sera bon, quoi. Dans le 1, elle est un peu plus jeune. Elle a 16 ans, je crois, dans le 1, non? Je crois qu'elle a même 14 ou 15, et il me semble que j'ai lu que dans la première saison, là, Bella Ramsey avait un strap pour aplatir sa poitrine, pour pas qu'elle fasse trop féminine. Donc, genre, elle avait des trop gros 1, quand même, tu sais. Voilà, et c'est pour ça que ce stream sera démonétisé. et Druckmann aussi qui a d'ailleurs annoncé deux petites choses sur The Last of Us 3 en jeu. Non, ça t'as pas le droit. J'ai pas dit, j'ai dit un. Ah oui, c'est vrai de dire. Ah merde, c'est toi qui l'as démonétisé. Et bah voilà. Brr. Allez, brr. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Son prochain titre, qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste? The Last of Us 3. Le prochain titre prendrait moins les joueurs par la main et se rapprocherait de la narration d'un Elden Ring. C'est ce qu'il vient de dire Neil Druckmann. Mais par contre, il n'a pas dit que ce serait The Last of Us 3, puisqu'il vient de dire que sa décision est prise sur le prochain jeu et ce ne sera sans doute pas The Last of Us. D'ailleurs, on sait qu'Uncharted déjà est fini. On en a parlé il y a deux semaines. Uncharted, il arrête la série. C'est pas plus mal, en vrai. Voilà, bon, potentiellement, ça permet de rester sur une bonne note. Ça permet de revenir dans 10 ans avec un reboot. Exactement. Et The Last of Us potentiellement donc n'aura pas de 3 et voilà, donc il partirait sur peut-être une nouvelle licence, voilà. En tout cas, on te le souhaite, comme on dit. Autre news qui est tombée ces derniers jours, Counter-Strike 2 bientôt annoncé. Zartek ou Balek? Vous vous souvenez de Counter-Strike? Je laisse parler à Jay. Ouais, allez, on va dire Zartek parce que c'est la nostalgie. Mais... La nostalgie qui parle. Psarlek. Ouais, Psarlek. Ah bon? Psarlek. Ouais, parce que j'ai fait du 1.6, j'ai fait du... Comment ça s'appelait celui qui était en Half-Life 2 là? Voilà, très bien. CS, CSS, Source. Source, voilà, j'ai fait du 1.6, j'ai fait du Source et après, bah, c'était le Go. Non, le Go, j'ai pas fait. Et en fait, le truc, c'est que c'est plutôt, ouais, par rapport bien à. Cheval. J'ai pas d'intérêt parce que je sais que je vais pas y jouer. Bah, mais c'est plus. Juste que ce jeu est un phénomène qui me surprend à chaque fois. Quoi, que le groupe antiterroriste remporte la victoire. Bon, alors, rapidement, j'explique les rumeurs. Hein. Rumeurs autour d'un potentiel CS2. Qui sont venus, c'est plus des rumeurs là. Bah non, qui sont venus de Nvidia qui a listé directement le jeu dans des drivers. Nvidia, on le rappelle, il y a 2 ans, ils avaient lancé une grosse liste de drivers avec des leaks dedans. En fait. Non. Et la liste, bah, quasiment tous les jeux ont été finalement annoncés officiellement, donc la preuve que c'était des vrais leaks. Et là, dans des drivers, dans les derniers drivers d'Nvidia, il y a des exécutables qui s'appellent CSGO S2.exe et CS2.exe. Donc voilà. Tout le monde s'en est emparé et le journaliste Richard Lewis a ensuite déclaré qu'un deuxième Counter-Strike était bien réel et qu'il pourrait arriver plus tôt qu'on ne le croit. Une bêta devrait arriver durant ce mois de mars. Voilà. Après, j'ai du mal à croire que ça va être vraiment genre un nouveau jeu, ouais, avec un nouveau launcher et tout. Pour moi, ça va être un énorme patch avec, je sais pas, du, on va dire graphique éventuellement. Et pourquoi pas un nouveau free-to-play, encore une fois. Avec des graphismes cel-shadés par Ubisoft en éditeur, avec un peu de balles aux prisonniers dedans aussi. Voilà. Ah oui, bah faisons ça. Ouais. Non, bah c'est bien. Arrêtez de dire n'importe quoi dans le chat, s'il vous plaît. Si c'est pour raconter des fake news comme ça, genre Yako est-il beau, objectivement, oui. Non, non, non, objectivement, si, non. Objectivement, si. Attends, regarde-moi ça. Salut. Oh, putain, c'est incroyable. Peut-être tu crois vraiment, c'est le stream à ta mère, toi. Ouais. Bah... Salut maman. T'es là, regarde, hein, d'ailleurs. T'es là, t'es pas là, t'es là. En plus, je crois qu'elle regarde. Alors, bien sûr, alors... bien sûr. C'est même pas une blague. TT Games qui aurait annulé plusieurs jeux Lego, dont des Lego Disney, énormément de jeux. TT Games hein, qui est. Le ah, on a fini là sur. Oui, bah oui, tout le monde s'en foutait. Ouais, c'est vrai qu'on s'en foutait. Bah ça tombe bien, moi aussi, Balek. Ok. Donc là, c'était quoi les jeux Lego? TT Games qui a annulé plusieurs jeux Lego. C'est quoi TT Telltale, je sais pas quoi là? Non, c'est TT. Non, c'est TT. Ah, c'est TT les TT. Les TT. Non, on a dit arrête de parler de nichons à l'antenne. Ouais, je parlais de télétravail. TT. Télétravail. Ouais, ouais. Alors Balek. Alors, tout le monde s'en fout. Voilà. Ok. Il y a des Gardiens de la Galaxie dedans. Ouais, bah. Et Looney Tunes. Ah, bah, voilà. Encore Balek. Plus Balek du coup. Et ouais, ouais. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 qui a été annoncé. Oh, bah Psartek, hein. Psartek. Psartek de ouf même. J'ai pas faire ton casse. Allez, j'attends même pas la réponse. Vas-y, on s'en fout de Jay. Non, mais Jay, quand même. Budokai Tenkaichi, non? Sérieusement. T'as jamais joué? Même pas tant que ça. Même pas, non? Oh, mais c'est pas. Mais en vrai, à part Diablo et WoW, c'est quoi que t'aimes bien en vrai? Un ou deux. Mais non, mais c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. En fait. Bon, bah c'est quand même la plus grosse news qu'on a vue ces derniers bah, jours. Ouais, grave, oui, malgré oui, tout. Oui, bah, je veux rien savoir. Oui, l'illustre perfect. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi aura enfin une suite de la dernière émission d'ailleurs, je crois avoir dit. Qu'est-ce que tu fais? Mais tout le monde voit ta calvasse. Arrête. Bah, de toute façon, on la voit même quand. Oui, c'est vrai. Oh mon dieu! Dernière émission, donc je crois que j'avais dit que ce serait bien qu'ils refassent une suite à cette série. Et ils m'ont entendu et ils me répondent. Trailer officiel qui a été délivré avec de la nostalgie ces derniers jours. Des images sur un écran cathodique. Au début, on voit les anciens jeux et puis tout d'un coup, ça zoome dans l'écran cathodique. Et on voit. Alors là, par contre, c'est là où ça m'a un petit peu trigger. On voit Goku en Super Saiyan Blue. Donc ouais. Qui prouve juste que on va plutôt axer quand même sur Super Saiyan, sur Dragon Super. Ball Super. Ouais. Preuve d'intégration, j'ai envie de dire preuve de wokisme. Ah, bah non, peut-être pas quand même à ce point-là. Ah si, les cheveux bleus, tout ça. s'il avait eu des tétés. Oui, non, bah alors là. Là, peut-être. Maintenant, la question qu'on veut tous savoir, c'est est-ce que le roster sera aussi faramineux qu'à l'époque, avec, je me souviens peut-être, ça doit être dans le Budokai Tenkaichi 3, 150 personnages. Bon, après, il y avait des persos avec les 8 transformations. Ouais, j'allais dire, c'était voilà, un peu du mais, bon, remplissage. Mais c'était quand même du remplissage, mais full. C'est comme sur Mario service. Kart, où t'as 4 fois Mario, mais une fois avec un. Bah, c'est ça. Avec un ananas dans le cul. En même temps, c'est. En même temps, c'est un jeu full fan service. Tu peux pas faire autre chose, quoi. Ouais, d'accord. T'es obligé de mettre toutes les transformations et tout ça. Mais bah, si, alors si tu peux faire autrement, tu peux faire un perso pour éviter d'avoir un roster de débiles. Ouais. Juste avoir un perso et que tu lui mets des skins comme sur. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Ce mais de... c'est ce qu'il va y avoir. Swap color ou changement de tenue, tu vois. C'est évidemment ce qu'il va y avoir. Parce que c'est quoi l'intérêt d'avoir Son Goku à poil et Son Goku bleu, sachant que c'est toujours Son Goku. Mais non, c'est pas les mêmes. Parce oui, qu'il il va pas faire les mêmes coups, mais du coup, qui va prendre Son Goku? Parce que techniquement, le Son Goku bleu, il est beaucoup plus fort que Son Goku. Tu le prends dans la. Dans donc il n'y a pas d'intérêt à jouer. L'intérêt des DBZ, c'était que tu avais quand même l'histoire et que tu débloquais quand même oui, au fur et oui, à mesure. D'accord, mais après, moi je te parle du Versus Fighting là. C'est quoi l'intérêt? Moi j'y jouais pas pour le Versus Fighting, j'y jouais pour l'histoire, même si je la connaissais par cœur. Oh là là, oh là parce là, que après, margines, mais non, mais parce que après en versus non, fighting, c'est bon, tu m'as fermé ma gueule, j'assume, c'est bon, t'as gagné. Tout le monde prenait en versus fighting. Après, tout le monde prenait en effet Goku et bah SSJ4. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Ouais. Alors que c'était un personnage GT dégueulasse. Non, moi je prenais le Super Saiyan 3 avec les cheveux longs. Moi je prenais le Gohan SSJ2 parce qu'il avait la classe, qui est le meilleur. Gohan 2. Ouais. C'est le meilleur. Est-ce qu'on peut débattre de ça? Non, bien sûr que non. Donc moi je pense surtout qu'il va y avoir 15 persos et 200 balles de DLC. C'est le meilleur méchant, point. Non. 15 persos, 200 balles de DLC pour avoir tous les skins et tous les pouvoirs. Ouais. S'ils font ça, vraiment, c'est des gros fils de. Ah merde, j'ai pas le truc. C'est des gros fils de. Ferme ta gueule ! Voilà. Fils de pleutre. Exactement. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas ça parce que sinon je serai bien déçu et je pleurerai ma race. Jamet, magnifique, les frissons que j'ai eu, j'aurais voulu être dans le public. Eh oui, eh oui, eh oui. Le Son Goku de base, il peut pas évoluer pendant le match. Alors si dans les derniers Budokan Tenkaichi, dans tu pouvais 3, te faire tu pouvais te transformer pendant mais les matchs. Juste. Non? Tu pouvais switcher de ah ouais plus ah, t'accumulais du ki et plus tu pouvais switcher peut-être. Vers des évolutions supérieures donc ah, ça je me souviens là, pas. Là c'est mais... pas mal ouais, plutôt bien donc j'espère que ce sera pas trop dégueu et qu'ils feront pas de la merde avec Inch'Allah comme on dit en Finlande. D'anciens membres de Riot Games fondent un nouveau studio pour travailler sur un triple A open world. Psartek, hein. Psartek. Jay. Ouais, vas-y, ouais. Y a, donc, c'est plusieurs anciens membres qui sont regroupés pour fonder The Believer Company. Pour les moins férus, Riot, c'est LOL. Riot, c'est LOL, évidemment. C'est LOL. Principalement, et puis après, tous les dérivés c'est de LOL. LOL. LOL, LOL, LOL. Ouais. Valorant. Ouais, Valorant. Et voilà. Mais LOL. TFT et tous les trucs. Et LOL. Voilà, et LOL. Et qui appartient évidemment au chinois Tencent, on le rappelle. Comme tous les autres, comme tout le monde à peu près. Donc The Believer Company vient d'ouvrir ses portes à Los Angeles. À sa tête, il y a Michael Shaw, qui est l'ancien vice-président de Riot Games et producteur exécutif de LOL Wild Rift, qui est la version mobile. Qui est très LOL. Bien. Exact. Une dizaine de grands noms de Riot sont là, dont Steven Snow, qui est membre fondateur de Riot Games. Le studio a déjà effectué une levée de fonds pour récolter 55 millions, et millions, je précise bien avec un Y, millions de dollars. Grâce à l'aide de Riot Games, donc comme quoi ils quittent Riot Games, ouais, mais ils sont contents. Pas rancuniers, hein. Voilà. Et The Believer Company, qui actuellement travaille sur un triple A en monde ouvert, qui est basé sur une toute nouvelle licence. Voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais... Bah, voilà. Je sais qu'ils ont prévu de faire un MMO, Riot, donc... Ou alors, oui. le MMO, il est mal barré. Ouais, voilà. Parce que là, il y a 3 semaines ou 1 mois, le Ghostcrawler, là, qui est le patron, entre guillemets... Ouais. Du MMO s'est barré, il a dit que pour des raisons familiales, je crois. Mmh. Il a arrêté de bosser là-bas et il a annoncé que le MMO était toujours en early development. Hein, donc, qui était vraiment le mec porteur du projet, c'était son projet à lui, son bébé, son machin. Donc, voilà, donc si vous me laissez finir et que vous fermez vos gueules, vous allez comprendre là où je vais venir. Donc je sais qu'ils avaient le MMO prévu, là ça s'est un peu cassé la gueule. S'il y a des concurrents qui venaient de chez eux qui en font un, ils vont pouvoir, entre guillemets, déjà essuyer les plâtres. Après, il y a... Faut voir si eux, ils peuvent pas faire mieux après. Quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont financé le truc. Ils ont participé au financement. Je veux bien te laisser la parole et que tu nous insultes derrière, mais si c'est pour dire des conneries, j'ai jamais dit que c'était un MMO. Ah, c'est quoi alors? Bah, c'est pas forcément un MMO. C'est un truc en open world. Un triple A en open world. C'est pas un open world. Bon, allez. C'est pas un MMO, ok. Un triple A en open world. Moi, c'est sympa, les gars. Ça fait 2 fois que je me fais sécher. Je vous souhaite une bonne après-midi. Hein, il est 11h30. Bon apéro. Allez, salut. Mais tu racontes que des conneries aussi. Jay, tu lui expliqueras qu'il y a des open world où c'est pas des MMO. Bah ouais. Il y en a plein. Hein. Bah ouais. Vraiment, il y en a plein. Ouais, plein. Ouais. Genre Witcher 3. Ouais, plein en fait. Genre Horizon. Ouais, plein. Genre c'est Minecraft. Des MMO. Oui, Minecraft, oui. Minecraft, c'est un open world. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Bah live, exactement. Voilà, donc en fait on n'en sait pas plus. Comme dirait Jack, Balek, tant qu'on n'en sait pas plus, tant qu'on n'a rien de plus. Est-ce qu'on parle des Pégase 2023 qui sont les jeux, les Oscars du jeu vidéo français? Palek. Alors, de ouf, vous doutez bien, de toute allez, façon, tu veux en parler un petit peu. Ah, je veux pas du tout en parler, je m'en fous complètement. Mais vous doutez bien que c'est des jeux vidéo français qui sont élus, donc c'est pas des. Forcément, c'est pas des bons jeux, quoi. Des jeux que tout le monde a vu dans toutes les c'est autres. Pas des bons. C'est voilà. Pas des. Donc Balek, apparemment. Hein. Ah bah Balek de ouf. Juste un nom, un ou deux noms. Ah bah le meilleur jeu vidéo, c'est Stray, avec le chat. Ouais, bon, pas mal. Voilà. Et sinon, il y a A Plague Tale Requiem aussi qui a eu pas mal de. Ah ouais, quand même. A Plague Tale, tous les ans, A Plague Tale, oui. Il ramasse tous les. Toutes ouais, les mais A Plague Tale, c'est bien. Va, quoi. On peut pas nier que c'est bien. Bien. C'est bien. C'est pas ouf, ouf, mais c'est bien. Ah bah tiens, meilleur jeu vidéo étranger, c'était Elden Ring. Étonnant. Ouais, bon, ok. Voilà. On apprend rien. Voilà, Balek, on a voilà. Voilà. Qu'est-ce que. Attends, j'ai lu un truc marrant, Tourche. Je croyais que c'était une émission avec une vraie expertise. Je suis très déçu. Merci, Tourche, de rétablir la vérité. C'est français, Stray. Bah oui, oui, oui. Stray, ça vient de. Enfin, ça a été édité par Annapurna Interactive, qui est français. Meilleure musique. Meilleure musique, nous demande Chronica. Eh ben, meilleure musique, je crois que c'est. Pas dedans. C'est alors, pas... meilleur univers sonore, c'est A Plague Tale Requiem. Mais je crois pas qu'il y ait un meilleur musique. Non, c'est meilleur univers sonore. Voilà. Finalement, pour un Balek, on en a parlé pas mal. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop. Conférence Capcom Spotlight, il y a eu des images, des dates de sortie, bah pas oui. De nouveaux jeux, faudra attendre le 3 pour ça. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu de ce qui a été dit? Moi, Balek, hein, perso. Psharlek. Ouais, Balek aussi. Hein. Non, ah là, Balek, donc allez, ce sera Balek. Du Balek, allez. Est-ce qu'il y a, je regarde quand même s'il y a un truc bien qui a été annoncé. Est-ce qu'on non. Parle. Est-ce qu'il y a un SNK? Non, il y a que des trucs qu'on savait plus ou moins déjà, voilà, du Mega Man, du Street Fighter, du Monster Hunter. Y a pas un Capcom vs SNK, un truc non, comme ça. Non, il y a du RE4 Remake, évidemment. Il y a la démo qui est sortie il y a pas longtemps de RE4 Remake, je sais pas si vous y avez testé, mais bon. J'ai vu pas mal de vidéos sur Resident Evil. Meilleur doublage d'Inquisiteur de Plague Tale. Ce serait pas par hasard Stéphane Cornicard que nous avons interviewé dans l'épisode mais 2. Mais c'est incroyable. Qui serait en VOD sur la chaîne YouTube JV, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Mais c'est incroyable ce teasing. Merci de pour ouf. La passe décisive Jack. Call of Duty, Sony a peur que Microsoft fasse en sorte que les versions PlayStation comportent plus de bugs. C'est pour ça qu'il dit oh, il faut pas leur donner la licence parce que sinon ils vont mettre des bugs dedans exprès. Ça commence à devenir un petit peu paranoïaque hein, faut pas se cacher. Ah ouais, d'accord. Ah, attends ça. C'est un peu voilà. Cours d'école, ouais. Le doigt du milieu est plus long, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Mmh. Hein oui, il va nous envahir, tout ça. Non, ça va. Pas Balek. Besoin d'aide pour les bugs, Jack. C'est vrai. Balek. Ok, et ben voilà. Et puis la dernière, alors Cobra Kai qui arrive en jeu vidéo, encore une adaptation. Ah, Psartek, hein. Bah oui, je le disais, avec Goldorak, tout ça. Cobra Kai, c'est trop bien. Cobra Kai, c'est trop bien. Voilà cette analyse complète. Cobra Kai, c'est du kiff. Bon bah on va parler alors. Micro ID, Jay, il s'en fout. Oui, bah bien sûr qu'il s'en fout, c'est pour ça que je pose même pas la question. Micro ID, non. Évidemment, encore une fois, Micro ID, hein, on le sait, ils ont acheté toutes les licences de notre enfance. On le dit à chaque émission, les Schtroumpfs, Goldorak, les Tuniques Bleues, Marsupilami, voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Désormais, ils s'attaquent à Cobra Kai, Micro ID et TMS qui signent un contrat d'édition, donc un jeu vidéo tiré de l'anime culte est en développement. Cobra sur console et PC. Comme à chaque annonce du jeu, alors c'est vrai, alors là pour le coup je vais vous le dire, en tant que professionnel de l'industrie pendant très longtemps, je ne le suis plus, mais je le fute, j'y fute même. Comme à chaque annonce de jeu de Microïd sur des animés, des reprises animées, le même copier-coller de communiqué à chaque fois, avec la citation du patron qui dit qu'il est impatient de bosser, la citation du président de la licence qui dit être impressionné par la passion de l'équipe de Microïd, et aucune info. On n'aura aucune info que jusqu'à la date de sortie qui va arriver pouf comme ça. Il y aura quand même un bras avec un canon dedans. Oui, alors oui. Ah. Et comme tous les jeux. Et il ressemblera toujours à Jean-Paul Belmondo. Oui. Voilà. Et il y aura toujours un cigare. Alors ça, je sais pas parce que tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Tu c'est trop le droit vrai, si c'est un jeu 7+ et tout, on va pas avoir le droit. Ah ouais, hein. C'est vrai. Mais ça sera comme tous les autres jeux Microïds, donc à peu près du cel shading pas trop ouf. Un peu pas joli, un peu comme Goldorak. À mon avis, ça va être encore un jeu comme ça. Ah oui. Je crois avoir lu que c'était. Il y avait quand même une partie. Alors, un Street of Rage-like, dit Jack. Je crois pas, mais je crois qu'il y a des parties. Il va y avoir des parties shoot, un peu plus shooter, un peu plus exploration, je sais pas. J'espère que ce sera pas encore un énième. Dragon Ball Kakarot mi-open world avec des rencontres comme Goldorak, mais avec Microïd. Encore une fois, je vais le dire comme là, il y a deux semaines, c'est des copains, je vais pas leur taper dessus. Salut à ceux de Microïd qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être, mais faudrait peut-être s'agirait de grandir, hein, j'ai envie de dire, comme dirait je vous demande de vous arrêter. T'as dit quoi, Jay? J'ai dit salut à Maxime Gérassi. Il y a encore Maxime? Oui. Oui. Eh ben Maxime, si tu nous regardes, c'est que tu ne vois pas. Il y a Jack qui dit Street of Rage like. Alors je rebondis sur ça. Il y a eu une grosse mise à jour là sur Street of Rage 4 et ça tue. Ok. Balek. Voilà. Balek, t'es ouf? Non, ça tue. Il est très bien Street of Rage 4. Je pense Balek. De quoi Street of Rage 4? Ouais. Bah, pour le coup, il est cool. Ouais. Oui, ah oui. Non, il est cool. Il y a une grosse mise à jour là qui était il y a une semaine, je crois. Ouais. Je l'ai faite, je l'ai testé vite fait, bien. Franchement bien. Bon, après, même truc que ça, j'irais de grandir aussi. Street of Rage 4, c'est bon, il est sorti il y a 8 ans, quoi. Ouais. Hey, tu me parles pas comme ça, ok, t'es pas ma mère. Attends, rappelle-moi, WoW, il est sorti quand? La balayette, oui, c'est l'air que t'as mis, burr. Oui, mais il ressort du nouveau vrai contenu. Burr. Allez, on se retrouve. Et l'autre, il se marre alors que c'est le jeu sur lequel il passe. Oui, carrément. Mais moi, j'assume, c'est ça la différence. Pourquoi vous parlez de Canis Canemedi et de Bully, les gars? Y a une news dessus ou pourquoi dans le chat ça spam sur Bully? Était un très bon jeu, j'y ai rejoué il y a pas longtemps parce qu'il était ressorti en gratos dans un bundle. C'est quoi le Canis machin là? C'est Canis Canemedit, c'est le GTA like dans l'école là? Oui. Ah ouais, c'est une citation du roi Lot, mais bon pour moi. Mais parce qu'il y a la bagarre dans le recueil. Ah oui, d'accord. La bagarre. On se retrouve dans quelques minutes les amis, restez bien présents dans le chat puisqu'on va parler évidemment de notre petit débat dans un quart d'heure sur le prix des jeux vidéo, hein. Sont-ils trop chers? Est-ce un loisir de riche? Est-ce que vous achetez toujours autant de jeux? On en parlera, il y a des chiffres aussi, hein. Je vais vous donner un petit peu des chiffres pour prouver que non, bah, c'est pas forcément plus cher, vous allez le voir. Et juste après la musique qui va arriver, on va avoir la chronique True Story Bro de Yako évidemment. Mais avant tout, comme désormais à chaque émission, une petite pause musicale avec des remixes qu'on retrouve un petit peu partout sur YouTube et tout ça. Et on met à l'honneur des DJ, des compositeurs, des créateurs. Cette semaine, c'est le thème de Crash Bandicoot 3 qui a été remixé par DJ AG. Et on se retrouve donc juste après pour la suite de l'émission. A tout de suite. C'est pas mal quand même, hein. Eh, c'est ma soirée ou c'est pas ma soirée? C'est quand même pas mal. C'était Crash Bandicoot 3 remixé par DJ AG. Et on va continuer avec la chronique qui nous revient de Yako. Et je vais mettre un jingle même temps. Regarde. True story, bro. True story. Avec Yako. Bonjour Yako. Bonjour messieurs, dames. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains. Cette semaine, c'est Yako qui nous revient avec sa chronique très attendue où il raconte sa vraie vie à lui. Oh oui, c'est True Story. Et voilà, comme d'habitude, on va pas parler vraiment d'un jeu, même si cette fois-ci je parle un peu plus du jeu. Et je vais surtout raconter une tranche de ma vie. Et aujourd'hui, en ce quasi-jour de printemps, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai beaucoup joué, et avec plein de mondes différents. Et on va rester parfaitement dans le thème, car ce jeu n'a absolument rien à voir avec le printemps. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Exactement. N'avez-vous jamais rêvé d'être un musicien hors pair? Non. Adulé de tous? Tel une rockstar, un virtuose, celui qui, son instrument en main, soulève des foules. Un être tellement doué qu'il pourrait remplir des stades de foot sur toute la planète. Un peu comme André Rieu et son violon. Daniel Guichard. Ou Yvette Horner et son accordéon. Oui. Ou encore le formidable Charlie Oleg et son orgue électronique. Et oui. C'est formidable. C'est formidable. C'est fort, c'est mis, c'est dable. C'est formidable. Eh bien, réjouissez-vous, bande de petits saltimbanques en herbe, grâce aux jeux vidéo. Vous allez pouvoir laisser s'exprimer le musicien qui est en vous. La bête de scène qui sommeille au fond de vos entrailles, que dis-je? La sex machine, comme dirait le père d'Alphonse Brown. Alphonse Brown. Tout à fait. Évidemment, vous le voyez venir, on va parler d'un jeu avec un accessoire musical. Mm-hmm. On va pas tous les nommer, hein, mais les plus connus sont bien sûr Guitar Hero, où on est un héros qui joue de la guitare. Et avec Rock Band, on monte d'un cran car vous pouvez jouer de la basse, de la batterie, chanter et aussi jouer de la guitare. Mais il y avait des jeux avec des accessoires un poil moins conventionnels, comme DJ Hero, où vous jouez avec un ersatz de tourne-disque de DJ, oui, là. Il était bien. On trouve aussi un mini piano en carton avec Nintendo Labo. Ouais, il y avait que des cartons. Que ça vaut. Et au Japon, il existe des jeux d'arcade avec des gros tambours, Taikono Tatsujin, qui veut littéralement dire expert du tambour. Ah, si vous avez déjà vu ça, c'est un truc de malade. Hein. Ça vaut pas Miracle Piano sur NES. On pourrait continuer, pardon, ainsi comme ça encore longtemps. Je pourrais aussi parler des jeux de danse, tels que Dance Dance Revolution, plus connu en Europe sous le nom de Dancing Stage. Ah bon ? Oui. Ces jeux d'arcade avec lesquels on danse sur une sorte de dalle lumineuse, là. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'il existe plusieurs versions de ce jeu porté sur console avec un accessoire tapis de danse que j'avais moi-même personnellement sur PlayStation 1 il y a fort longtemps, à une époque où j'étais encore souple et rythmé. Et aujourd'hui, je ne suis plus que. Et. Voilà. Que passons les. Just... Personnellement, le mec est trop fan de lui, quoi. Bah ouais. Bah c'est trop story. Hein. Bah voilà. Passons les Just Dance et autres Dance Central qui n'ont pas vraiment d'accessoires dédiés, mais qui se jouent avec des accessoires qui peuvent être utilisés pour plein d'autres types de jeux. Non. À part un corps de rêve. On ne va pas parler de tous ces jeux-là, même si je les ai évoqués rapidement. Ce qui fait qu'on en a parlé, du coup, quand je dis qu'on va plus en parler, c'est genre plus loin dans le texte, hein, on reviendra pas dessus. Je suis perdu, je suis déjà. T'as capté ou t'as pas capté? Non, j'ai pas capté. Tu sais, mon ref. Et ça fait presque 3 minutes que j'ai commencé cette chronique et je n'ai toujours pas parlé du jeu. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu musical qui a pour accessoire deux tonneaux tout droit sortis de l'univers de Donkey Kong qui vont servir de bongo. C'est évidemment Donkey Konga. Le suspense était insoutenable. J'ai vu les gouttes de sueur sur le front de mon camarade. Et j'entends presque dans sa tête le fameux « Mon Dieu, tout ça pour ça ». Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donkey Kong a sorti sur GameCube le 15 octobre 2004 en Europe et quasiment un an auparavant au Japon, édité par Nintendo, bien sûr, et développé par Namco et pas par Rare, comme les jeux Donkey Kong de la Super NES et la 64, parce que Nintendo est fâché tout beaucoup contre Rare depuis Conquer Bad Fur Day, ouais. Qui est pourtant un excellent jeu 64 que je personnellement n'ai pas aimé du tout. Mais encore une fois, je dis Grèce. Grèce. Grèce. Allez, on a eu là-dessus, on a eu un rire. N'hésitez pas à rire dans le chat. Seuls deux opus sont sortis en Europe contre 3 au Japon, mais le troisième jeu était rempli de chansons tirées d'autres jeux vidéo, de génériques d'anime japonais, de J-pop et même de bandes-sons de pub. Peu d'intérêt pour le marché occidental. Balek. Exactement. Mais dis-moi, Jamy, comment ça marche Donkey Konga? Eh bien Fred, figure-toi que Donkey Konga peut se jouer à 4 avec un accessoire nommé Bongo, ou plutôt Mini Konga avec un C, d'où le jeu de mots Donkey Konga avec un K. Est-ce que le prénom des bongos c'est Gianni? Attends. Ouais, voilà. Merci. Donc, le gameplay de Donkey Konga est basé sur le rythme d'une chanson, à l'instar de Guitar Hero, une piste musicale sur laquelle des ronds de couleurs apparaissent. Jaune pour le côté du bongo Mélenchon, rouge pour le côté du bongo Eric Ciotti, rose pour les deux en même temps et une sorte d'étoile bleue pour frapper dans tes mains et pas sur les manifestants place de l'étoile parce que quand même 64 ans, c'est vieux. Ça balance pas mal à Paris. Et t'es ouf, hein. Comment c'était marqué la mention ou les pavés? Car oui, les bongos sont équipés d'un petit micro qui permet de capter le clap de ta main. Et ça, c'est beau. Le nom des bongos, c'est Manu. Je l'avais, mais j'ai pas tenté. C'était non, faut pas faire ça. J'ai découvert ce jeu un peu par hasard, avec une borne démo dans le Quora de Moulins-lès-Metz, dans le rayon dédié aux jeux vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez. Putain, hein, les rêves. Je sais pas si vous vous souvenez. Les rêves pour 7 heures. Mais il y a une époque où il y avait des bornes démo dans les supermarchés. Oui. Et tu pouvais tester les jeux. Mais bon, vu que c'est tout le temps squatté par des jeux, par des jeunes qui habitent juste à côté, c'est toujours compliqué de jouer à ces trucs-là. Avec mais moi, je me souviens. C'est vrai. Allez, voilà. Voilà. On va pas dire. Eh, vieux. Eh, ça a pas balancé. C'était l'heure le plus gênant. LPMU. Mais moi, je me souviens que parfois, ma mère me déposait dans le rayon jouets et pendant qu'elle faisait ses courses, moi, je me tapais mes meilleures parties de Crash Bandicoot dans Leclerc de Creutzwald, à la salle d'arcade, l'odeur de transpire en moi. À l'époque. Ce jour d'automne 2004... Oh, Leclerc de Creutzwald, je pense que l'odeur de transpire, elle y est quand même. Hein. Ouais, peut-être, ouais, peut-être possible. Ouais, ouais, c'est à Creutzwald, ouais, you know. Oh yo, oui, River Man. À cette émission. Allez, aidez, je continue. Hein. Ce jour d'automne 2004, j'avais à peine passé la barre des 21 ans, ce qui me donnait le droit d'acheter cette bouteille de Bourbon 15 ans d'âge que j'avais repérée dans le Village Market au bord de la petite ville de Carson City dans le Michigan. J'allais dire, t'es plutôt au Kansas là. Non, Michigan. Ce Village Market existe vraiment, vous pouvez aller voir sur Google Maps. Mais ce jour-là, j'ai préféré m'attarder sur cette fameuse borne démo avec deux bongos complètement défoncés par les centaines de coups délivrés par des enfants déchaînés, essayant de réaliser leur meilleur score sur ce jeu quelque peu atypique. Intrigué, je restais quelques instants à les observer. Dans l'espoir de poser ma main sur cette machine étrange, je suis bien resté 15 à 20 minutes derrière ces jeunes. On aurait dit un de ces mecs chelous à la sortie des écoles vêtus d'un long imperméable gris qui propose des bonbons au fond de sa camionnette blanche. Inspecteur Gadget. Ouais, voilà, lui. Mais j'étais déter du terre-terre si la famille bien ou bien les rouilla. Il l'a écrit, c'est ça qui est drôle. Je l'ai écrit, pas si on voit, mais je l'ai écrit. Une longue liste de titres, non j'ai raté un bout, et à force de patience et un peu de menace aussi, j'ai pu enfin tester le jeu. Une longue liste de titres contemporains pour l'époque, mais aussi des classiques de la pop et du rock, étaient disponibles dans le jeu. Je parcours le menu et je fais défiler les chansons, et même si certains titres ne me disent trop rien, le jeu chante un bout de la chanson quand on passe dessus. Un peu comme Tadaron après une soirée bien arrosée au Bourbon 15 ans d'âge acheté dans le Village Market de Carson City, Michigan. Alors je cherche et je trouverai cette zik qui me tente tant en an. Non, partenaire particulier ne fait pas partie du catalogue de Donkey Konga. C'est bien dommage d'ailleurs. Ah merde, pardon. que veux-tu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bonjour. Après quelques secondes, je tombe sur une chanson dont le challenge me paraît à la hauteur du joueur de Dancing Stage invétéré que je suis. Si j'arrive à péter des scores de ouf avec mes pieds, je devrais pouvoir frimer devant ces jeunes trous de balles avec mes mains. Cette phrase est extrêmement chelou vu le contexte. Je suis pas loin de me prendre un hashtag balance ton pédophile. On a le droit de dire balance ton pédophile sur Twitch. Non, parce que ça fait trois fois que je dis pédophile. Là. C'est chaud ou c'est pas chaud? Là, ça commence à être chaud maintenant. C'est chaud là, non? C'est quoi le mot qu'il faudrait dire? Je sais plus. La chanson en question était Don't Stop Me Now de Queen. Don't Stop Me Now. Que je ne vous ferai pas l'affront de fredonner ici parce que je vous aime bien. Me now. Si vraiment, je vous aime bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Don't Stop Me Now de Queen, il faut savoir que la chanson débute assez tranquillement avec un petit air de piano gentil, mais au bout de 30 secondes environ, le rythme s'accélère et reste soutenu jusqu'à la fin. Il est évident que dans un jeu musical, donc un jeu de rythme, un changement de rythme complexifie le rythme de la chanson. Du coup, il faut garder le rythme. Et au cas où t'as pas capté, le rythme, c'est important dans ce genre de jeu. J'ai quand même dû dire 6 fois le mot rythme pour faire genre que j'ai mis du rythme dans mon texte. Et là, ça fait 8. Imaginez un mec de 21 ans qui s'excite sur des manettes en forme de tonneau dans un rayon de jeux vidéo d'un supermarché au fin fond de la Moselle devant des enfants qui étaient venus squatter le dernier jeu chelou de la GameCube. Faut pas s'étonner si les geeks sont tous des puceaux. Faut vraiment que j'arrête de faire des allusions cheloues en parlant d'enfants dans mes textes. Vraiment, faut que j'arrête. Ce jour-là, j'ai tellement kiffé le jeu que je suis reparti avec. Et en plus, j'ai pris 4 bongos direct. S'en est suivi des dizaines de soirées endiablées à base de bière, de pizza, de potes, à jouer sur des chansons telles que La Marche aux Turcs, All the Small Things, 99 Red Balloons, parce que c'était la version anglaise, ou encore I'm a Slave for You. Bon, j'assume moyen la dernière, mais quand même, c'était ouf. J'aurais d'ailleurs pu vous parler de ces soirées dans ma chronique, mais j'ai largement préféré vous narrer mes aventures dans le Cora de Moulins-les-Metz, où j'ai traumatisé deux mômes qui n'avaient rien demandé à personne. Et ils sont là. La morale de cette histoire, c'est que parfois, sans le savoir, au détour d'un rayon, d'un magasin, d'une coin de rue, ou d'une petite boutique, on s'apprête à trouver quelque chose qui va, des années durant, vous faire vivre des aventures que vous n'aurez jamais imaginées. Moi-même, je n'aurais jamais pensé parler de ça aujourd'hui, ici, avec vous. Et c'est aussi ça, le jeu vidéo. Oui. C'est fini ? C'est fini. Eh bah, ben très bien. Eh bah, ben merci. Et j'ai ramené un bongo. T'as ramené un bongo ? Et j'ai ramené un bongo. Manu. Manu dit bongo. Ah, il a vraiment ramené un bongo. Et il se lève. Regarde, il se lève. Voilà. Il monte son fichier à l'écran. Un petit peu de suspense. Attention, on va faire du bruit avec le bongo. Et voici un bongo de Donkey Konga. Allez, tape dessus comme un manifestant. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. D'ailleurs, je voulais la faire cette blague, mais comme c'est pas des bambous, je l'ai pas. Bah ouais, ça marche pas. Ah, donc on dirait vraiment les manifestants Place de la République. Donc il y avait le gauche, le droit, hein, avec un bouton en fait dedans. Il y a une espèce de peau de chameau en plastique. Ouais. Il y a un petit bouton start là. Ah, donc, c'est pour les jeunes qui ne connaissent pas ça. Hein. Un petit bouton là. Ah. Et le micro qui est caché, je ne sais où, dans ton cul. On a le droit de dire dans ton cul sur Twitch. Ouais, ça on a le droit. C'est au bout des 5 premières minutes, on n'a pas le droit de dire des gros mots après ça. Ah, d'accord, attendez, je vous montre quand même, c'est joli. Le véritable banger donc, avec les bongos, c'est Jungle Beat. Oui, Jungle Beat, ça c'est un truc de ouf par contre. Là, il y a le micro, là, il y a le petit bouton start, et puis c'est tout. Il n'y avait que ça. Voilà. Et bah, il y avait plusieurs jeux qui marchaient avec le bon, dont Jungle Beat, qui était en fait un jeu de plateforme. Oui, mais on pouvait jouer à plein de jeux. Qui jouait le... Ouais, il y avait 3-4 jeux, je sais plus, j'ai pas recherché, mais il y avait. Jungle Beat était vraiment bien. Jamet qui dit tout haut ce que je pense tout bas, parle devant le micro. Sauf que moi, il y avait un connard derrière. Ce que je veux, d'accord, ok, si ça te plaît pas, c'est le même tarif. Jongle avec ma bite, d'accord, ouais, je prends le jeu de mots, Hugo, parce que je sais qui tu es derrière ton pseudo. Non, très bien. C'est qui, bon sein ? C'est Hugo. Bah, merci pour cette chronique qui était totalement vraie, évidemment, comme d'habitude. Et oui, c'était 100% vrai. Évidemment, la chronique True Story. Et on n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les choses qu'on peut faire avec un bongo. Ouais. Hein, on rappelle, parce qu'on peut jouer à des jeux de plateforme, mais pas ou que. Ou un mini conga, en l'occurrence. Ou un mini conga. Et si vous êtes un de ces deux trous du cul qui a été importuné par Yako à l'époque, mettez un commentaire aussi en dessous, hein, c'est très important. On continue avec les restes de l'actu tout de suite. Je vais mettre un jingle. Regarde, tac. Super Radio Broth. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent en direct que je dis ça à voix haute exprès parce que Jay est avec nous aujourd'hui sur Discord parce qu'il est souffrant, mais il est quand même avec nous et qu'il n'entend pas le retour de la table. Donc voilà. Alors, les restes de l'actu, c'est quoi ? C'est nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps pour discuter ce qui a fait l'actu de ces 15 derniers jours. Après cette magnifique chronique de Yako, je le dis souvent, mais là, c'est le cas à nouveau. Débat qu'on a déjà eu. Ce débat, nous avons déjà eu durant les 3 saisons de GTFM cette saison. Mais bon, ça n'a pas trop évolué, donc, ou alors en mal. C'était plus un débat orienté sur le rétro game. Le rétro game, exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est pas déconnant d'en reparler de toute façon. D'autant qu'un dossier du site Écran Large, on reparle cette semaine, le prix des jeux vidéo. Et on parle des AAA, donc hein, des AAA, pas du rétro gaming. Selon les estimations récentes, le prix des jeux AAA a significativement augmenté durant ces 5 dernières années. D'après Game Industries, le prix moyen d'un jeu vidéo au Royaume-Uni aurait augmenté l'année dernière de 6%. Ce serait même 12% en 5 ans. Pour le physique, hein, et pour le démat, c'est pareil. Pour l'agence Omdia, une entreprise spécialisée dans l'analyse stratégique des industries des réseaux, le tarif des jeux vidéo dématérialisés aurait aussi explosé l'année dernière, cette fois 7,3%. Ça nous ferait donc une moyenne de 40 euros en physique désormais, 17 euros en dématérialisé. Une hausse qui est liée au blockbuster et tout le monde qui suit la tendance, et puis on en avait déjà parlé, mais... Tout le monde suit la tendance surtout de Sony et de Xbox qui ont tous les deux aligné leur prix maintenant de leur AAA sur la norme de 70€ et même leurs exclus blockbuster sont à 80€ aujourd'hui. Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est trop cher maintenant les jeux vidéo 80€ maintenant pour une exclu sur Sony ou sur les consoles de Sony ou sur les consoles de Xbox ? Ça fait beaucoup. Alors dans tous les cas c'est trop cher. Monsieur Jay, qu'en pensez-vous ? Si je dois réagir à 80€, c'est trop cher. Oui, bien sûr que oui, c'est trop cher. Après, cela dit, voilà. Jeu à 80€ aujourd'hui, quand c'est un triple A, généralement, tu vas dire il vaut. Bah, pas forcément il vaut en termes de. Oui, il vaut. Enfin, il y a eu un certain budget pour le faire. Des fois, c'est plus que certains films. Mais au-delà de ça, ok, tu lâches 80€, mais c'est des jeux. Si tu veux les poncer dans tous les sens, tu as le temps. T'as le temps avant de réinvestir. Toi, tu relativises par rapport au temps. Par rapport à la qualité et au temps. Et au temps que tu passes dessus. Ça reste trop cher. On va pas discuter sur le trop cher. Il y a tellement de contre-exemples, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, si vraiment tu veux les retourner dans tous les sens, parfois, par contre, Ubisoft, champion du monde, je vais pas balancer, mais je balance. Il y a de la fausse durée de vie, il y a des trucs de collecte à faire, je sais pas quoi, des Assassin's Creed en première ligne. Hein. mais les jeux Lego, les jeux Lego qui sont pas à 80, qui sont à 45. Ouais, mais ben voilà, oui, c'est trop cher. Maintenant, est-ce qu'on peut le justifier par un dev plus long, un budget plus conséquent, je sais pas. Après, en compensation, on peut aussi dire qu'il y a beaucoup de free-to-play. Oui, bon, enfin, il est aussi possible de jouer... la gueule des free-to-play. Ouais, aussi. Mais il est aussi possible de jouer gratos. Et il y a des jeux qui sont très bien en free-to-play. Il y a des autres, bon bah c'est juste une cash machine cachée. Bon, ça c'est un autre truc, mais oui, les AAA sont trop chers. Est-ce qu'on peut le justifier ou pas, Jay? Je te laisse prendre la suite. Bah, le problème en plus, c'est que souvent le jeu vaut 80 balles. Alors je vais prendre l'exemple là de ou 70 ou je vais prendre l'exemple de Call of par exemple ou d'un FIFA. Oui, c'est eux surtout qui sont à 80. De coûter très cher à la base, te proposant plus la blinde de microtransactions et en plus quasiment t'oblige à racheter celui de l'année d'après pour être à peu près pour pouvoir jouer avec tes potes et compagnie quoi. Et ça c'est presque encore le pire des schémas parce que là t'as vraiment absolument tous les trucs qui vont pas quoi. Comme dit Jamet, hein, GTA 5 sorti en 23 versions où à chaque fois ils te le mettent à full price quoi, donc Oui, voilà, mais c'est de toute façon, oui, c'est bien trop. Surtout, alors je vais faire le démago deux secondes, mais surtout effectivement dans des moments où les gens, surtout en France, où les gens ont de moins en moins de thunes à claquer là-dedans, et de manière globale, enfin, t'as pas qui a envie de claquer autant de thunes là-dedans. Bon, bah personne, hein, on va pas se mentir. J'ai lu dans le chat, oui, Nintendo moyenne de 45 euros, mais après, Nintendo, la qualité des jeux Nintendo, sans encore une fois, on l'a déjà fait assez souvent taper sur la Switch, mais la qualité des jeux Switch par rapport à la qualité des AAA que tu peux avoir sur une PS5 ou sur une Xbox Series, je pense que c'est assez normal que ce soit 45 euros chez Nintendo et 70 ou 80 euros à la concurrence. C'est pas la même génération. Il y a deux générations d'écart. T'as plein de jeux à 5 balles, mais les jeux à 5 balles sont des poubelles. Et t'auras, allez, je sais pas combien t'as de jeux qui sortent correct dans l'année. T'en as 3, j'en sais pas. Et encore, t'as genre les Pokémon sont pas finis. Le seul jeu qui sort qui va peut-être mériter effectivement ces 70 balles, c'est le Breath of the Wild 2. Même si moi j'aime pas spécialement, j'imagine que oui, niveau finition, niveau oui, ça se vend, durée de vie et tout, il les vaut ces 70 balles. J'ai pas de problème avec ça. Mais les jeux qui ont une campagne de 10 heures ou 15 heures et qui valent 80 balles, moi ça m'horripile en fait. Après des jeux style Call of, c'est clairement une pompe à fric, on le sait. Oui, c'est clairement du fan service, c'est même pas du fan service, c'est pour aller chercher les thunes sur la vache à lait. Je suis un peu cru et méchant sur les joueurs de Call of Duty, m'en voulez pas les gars, mais c'est ce que vous êtes, hein, clairement pour le studio, c'est ce que vous êtes, hein. Sortir un jeu pas fini, en plus microtransactions comme tu disais, en plus il y a plusieurs studios qui font que justement ils peuvent développer suffisamment de trucs à côté pour en sortir un tous les ans, ce qui fait qu'il y a un studio qui travaille pendant 3 ans sur un, au moment où ils sortent il y a un autre studio qui le fait pour que ça soit prêt à le sortir. C'est pour ça qu'il y a Black Ops, Modern Warfare, nanana, parce que c'est pas les mêmes studios qui le font pour pouvoir en sortir un tous les ans et pour que justement ça soit pas un truc bâclé et de qualité quand même, même si la campagne elle est torchée en 10 heures. En vrai, la campagne, on s'en fout, tout le monde fait la campagne parce que c'est un tuto pour pouvoir jouer en multi. Après, c'est pour ça que les gens jouent à Call of. Il n'y a pas d'intérêt à faire une campagne de 30 ou 40 heures comme c'était le cas sur les vieux, enfin 30, non, ça n'a jamais été 30 heures, c'était plutôt 15 ou 20 heures, mais sur les vieux Call of Duty ou même sur les vieux Battlefield, sur les Medal of Honor, t'avais des campagnes qui faisaient 10, 15 heures aussi. De toute façon, ça a toujours été comme ça. De toute façon, à FPS, qu'est-ce que tu veux faire une campagne de je sais pas combien de temps? C'est un couloir et tu tires. Au bout d'un moment, tu te fais chier. De toute façon, ça devient redondant. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que tu peux me donner le chat parce que j'ai des trucs que je veux lire après? Vas-y. C'est pas comme un RPG. C'est pas comme un jeu de gestion. C'est pas comme un STR. C'est pas comme plein de jeux où tu peux recommencer la partie et où faire une histoire avec une campagne, raconter quelque chose. Non. Une campagne de Call of, une campagne de Battlefield, une campagne de ce que tu veux. Ouais, ça va jamais durer plus de 10 heures. Mais c'est pas pour ça que t'achètes le jeu. Tu vois ce que je veux dire, Jay? Après, t'as aussi des jeux solo qui font 10 heures, hein, et les mecs sont contents avec ça. Hein. Enfin, sont contents. C'est plus rare, mais ça existe. C'est pas... Tiens, typiquement, je suis désolé d'avance, mais je vais reprendre l'exemple du Marsupilami, justement, de Oui, mais il est pas à 70 balles. Non, alors il en valait pas 70, mais il emballait, je crois qu'il emballait genre 30 ou un truc du genre. Mm. Mais même 30 euros pour, et littéralement le jeu. Aujourd'hui, les jeux PC sont toujours moins chers, de toute façon. Si c'était sur PC. Hein ? Si c'était sur PC, c'est toujours moins cher. Ouais, ouais, mais même. Mais le jeu avait littéralement, quand tu jouais en tant qu'adulte, avait 2 heures de durée de vie. Enfin, 30 euros, à un moment, faut. Enfin, excusez-moi, quoi. Surtout que. Alors oui, il y a Sima Nishiki, c'est compliqué comme pseudo, qui dit que oui, il y a des gens à payer en plus et tout aujourd'hui. Voilà. Ok, très bien. Mais après, bah, je. En fait, faut réussir à t'adapter à ton public, en fait. Je sais pas comment. On va en parler après des prix. Ça fait beaucoup réagir dans le chat. Je sais pas si on peut lire un peu. Ouais, justement, chat. Je voulais lire un petit peu le chat. Y a Jack qui dit pour Nintendo ou pour les autres, s'ils en vendent par brouette entière, c'est que c'est le bon prix. Par exemple, sur NES, c'était 300 francs, 45 euros à l'époque. On va en parler juste après. Sur SNES, 600 balles, quasiment 90 euros. En effet, si on regarde bien, les prix n'ont pas foncièrement augmenté, voire ils ont baissé un peu. Je vais en parler juste après. Simanishiki qui est d'accord hein, sur la question des prix, c'était déjà pas évident à l'époque de la 64, les prix variaient pour certains jeux, bah là ça continue toujours. Chronica qui soulève un truc un peu intéressant aussi, c'est qu'à l'inverse, les soldes Steam, le site Humble Bundle, tout ça, après c'est pas forcément des jeux récents, et Epic aussi qui offre des jeux gratos tous les mois, on est aussi dans une période où bah, finalement, comme tu disais avec les free-to-play, il y a plein de moyens d'avoir des jeux pas chers, voire moins chers que pas chers gratuits. Aujourd'hui, je me permets rapide la parenthèse. On peut jouer gratuitement à des jeux qui peuvent être cool, pas tous, mais il y en a certains. C'était pas le cas. Mais il faut attendre un peu. Ans. Mais oui. Il y a 30 ans, tu peux pas jouer gratos. Il y avait des démos. Quelqu'un s'est prêté, ouais, mais c'était pas le jeu. Là, t'as des jeux gratuits qui valent ce qu'ils valent, certes, mais qui peuvent être plaisants et qui peuvent être appréciables gratos. Ouais. Tourche qui dit aussi le prix des jeux baisse hyper vite globalement, sauf Nintendo, mais Nintendo c'est un peu moins cher, donc à la limite ça équilibre un peu. On va parler aussi des studios qui ont plus de gens à payer, ça on va en parler dans 2 minutes. Jack dit ce qui compte c'est l'intensité de l'expérience, pas la longueur. Titre. je suis tellement pas d'accord avec ça. Moi non plus je suis pas d'accord. Mais Et ben justement, enfin, Touche qui dit c'est comme si je vais prendre vite fait le truc. Le truc Elden Ring, si Elden Ring a été plébiscité meilleur jeu de l'année, blablabla, tout ça, il a reçu 15 milliards de prix, très bien. Mais s'il avait fait 15 heures, je l'aurais craché dessus, en fait. Enfin, je suis désolé. Hein, c'est, ouais. Quel jeu c'est, parce que quand le jeu fait 150 heures, ça veut, et encore, 150 heures, t'as fait un 20e des possibilités du jeu. Mais ça implique qu'il y a tellement de choses à faire, justement. Enfin. Je sais pas, c'est que les mecs se sont creusés le cerveau, qu'ils se sont fait chier à dev un vrai truc qui répond à des attentes et tout. Alors oui, ça va peut-être mettre 8 ans à dev, j'en sais rien, 9 ans, 10 ans, peu importe. C'est marrant, mais dans le chat, Bansin a dit une vanne dans le chat qui pourrait être vraie, enfin qui pourrait avoir un sens vraiment. Il dit c'est la largeur qui compte, pas la longueur, j'ai compris la ref, tu possèdes la référence. C'est une vanne bien sûr, mais c'est vrai que en fait... Je considère vraiment que c'est la largeur qui compte, pas la longueur. Je préfère un bon open world avec un putain de lore. Ah oui, je suis d'accord. Sans avoir forcément 100 ou 200 heures de jeu. Mais de toute façon, pour qu'il y ait 150 heures de jeu, il faut que le jeu soit vraiment bien. Parce qu'encore une fois, si c'est comme un Assassin's Creed où t'as effectivement 150 heures de jeu parce que tu dois récupérer le drapeau, parce que tu dois récupérer les plumes, parce que tu dois activer toutes les tours, parce que ta race, non, parce que tu dois débloquer toutes les... Non, ça c'est pas un jeu qui fait 150 heures. Par contre, si c'est un jeu comme de 150 heures, voire plus, comme Skyrim à l'époque, où tu vas te balader dans la forêt juste parce que tu as envie de te balader dans la forêt parce derrière. Que c'est cool, et que tu vas tomber sur un PNJ que tu n'avais jamais vu avant, parce qu'il y a des PNJ qui pop aléatoirement, qui vont te filer une petite quête, et tu vas dire, ça va te donner envie d'aller te balader comme ça ailleurs, pour potentiellement tomber sur un autre truc, et puis tu vas avoir envie de débloquer des armes, et tu vas avoir envie de débloquer tes métiers, puis tu vas avoir envie de rentrer dans l'histoire, et puis gnagnagna, et tu as envie en fait. C'est pas un truc qui te force à jouer parce que tu dis ah bah il m'en manque deux et je sais pas où elles sont, et puis de toute façon à la fin ça se finit par je vais regarder un tuto sur YouTube pour savoir où elles sont. Ça c'est de la fausse durée de vie, on est d'accord. Et pour qu'un jeu dure longtemps comme Elden Ring par exemple, ou comme plein d'open world, et pas forcément que des open world, il y a des jeux qui ont aussi une refaisabilité qui n'a pas de redondance et qui sont cool en fait. Genre t'as des jeux aussi à challenge comme Super Meat Boy par exemple, où tu vas passer énormément de temps parce que t'as la satisfaction d'avoir réussi à passer un truc, t'as passé une heure, t'as crevé comme un con, et au moment où tu le passes, t'es content. Donc y a plusieurs formes de durée de vie qui existent, mais il faut qu'il y ait cette satisfaction, il y a ce sentiment de récompense et de mission accomplie. Quoi. Sinon, c'est de la merde. On s'éloigne un peu du débat hein, sur les sur le prix des sur jeux. Sur le prix des jeux. Mais c'est vrai que je reviens à ce que disait Tourche aussi. Non, parce que tu parles de rentabilité en fait. Oui, c'est oui, de la rentabilité quand même. Et justement pour la rentabilité, Tourche disait c'est un peu la fin du modèle. Et en effet, c'est juste peut-être une stratégie pour vendre maintenant les abos PS Plus, Game Pass. Finalement, ça donne envie aux gens d'acheter des abonnements et de mettre moins de pognon en sachant que bah, tous les jeux qui sortent à 80 balles, tu prends un abonnement à 40 euros ou à 20 euros et puis voilà. Ah bah clairement, les abos n'ont jamais été aussi rentables, justement. Et la rentabilité, c'est enfin les mecs ont capté ça et tant mieux. Et c'est un des trucs que, enfin je sais pas moi qui moi me, enfin genre j'exagère en disant qui guide ma vie, mais ça c'est aussi c'est comme ça. Tout comme quand tu parles de bouffe, bah tu te dis que quand t'as besoin de beaucoup manger, bah, tu prends un truc qui est peut-être un peu moins bon, mais t'en manges plus. Et c'est plus satisfaisant dans un sens quoi. Bon. Alors, je vais donner une petite info justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur sur l'augmentation. Qui est évidemment constante depuis les années 90, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on peut voir quand même. Les coûts de production sont en hausse aussi forcément, donc et puis le coût de la vie aussi, donc c'est normal que les prix des jeux augmentent. Mais Bloomberg, le site Bloomberg rappelle que le prix de 60-70 euros pour des triple A, on va dire 70 euros sur console, plutôt 50 euros sur PC, n'a pas bougé vraiment depuis 15 ans, ces prix-là. Et on remarque aussi que les jeux vendus, on le disait tout à l'heure, entre 459 et 590 francs au début des années 90, je parle 92-93, j'ai fait le calcul avec l'inflation. Aujourd'hui, ça coûterait environ 120 euros ce prix-là. Donc finalement, 120 euros en 92, 80 euros finalement, c'est limite, on pourrait se dire que bah, il n'y a pas eu vraiment d'augmentation, même l'inverse. Donc finalement... Combien vous seriez prêt à mettre pour un triple A? Parce que pourquoi on met moins aujourd'hui dans un indé aujourd'hui qui vaut 30, on les paye 30 balles, alors qu'en vrai, voire moins, alors qu'en vrai, ça doit être plus galère pour un studio indé de travailler. Il y a moins de monde dessus, il faut plus d'heures peut-être, et la qualité est souvent, un peu meilleure quand même. Il y a un peu moins de monde et tout, ils font un meilleur travail, et pourtant on leur donne moins. Et on donne plus à Call of Duty, à Sony qui a fait mais 72 Call of Duty. Parce que j'imagine que tu participes à leur campagne de com et compagnie. Est-ce que je peux comprendre de leur point de vue? Mais typiquement, je vais reparler de Hades par exemple, qui est un indé qui est trop bien et tout ça. Moi perso, j'y ai passé 130 heures au minimum. Et il a coûté 30 balles, je crois, entre 20 et 30 balles. Et pour moi, c'est un jeu. Que je pourrais largement considérer en triple A, en fait. Oui. Et oui, tu as tout à fait raison. La question, c'est comment eux, ils font pour cut les coûts comme ça. Et pour moi, c'est juste la campagne marketing, quoi. C'est bien la preuve qu'un bon jeu ne vaut pas peut-être 80 balles, quoi. Après, ça s'explique aussi par le. Comment je peux dire j'ai envie de dire la stratégie de l'échec, mais je m'exprime mal. Un jeu indé. Il a moins le loisir et la flexibilité de rater. Ouais. Donc il va devoir être bon tout de suite et donc ça va lui prendre aussi moins de temps. Alors qu'un jeu en développement triple A, je sais pas moi, chez Blizzard ou je sais pas qui, ils vont commencer un truc, ils vont dire c'est de la merde. Allez, on refait, on repart de zéro, on recommence. Ce qui coûte de la thune. Ce qu'ils ont fait très récemment chez plein d'éditeurs qui ont fait ça. Ils développent des jeux, ils vont pas au bout, ils reprennent la licence, ils essayent de refaire. On va pas parler de Knuckem Forever par exemple, mais qui a coûté plus que la peau du cul, hein, la peau de tout le reste avec. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a cette espèce de one shot, je dois faire bien tout de suite, qui fait que techniquement ça coûte moins cher aussi. La pression de l'échec. T'as moins le droit à l'échec. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des jeux indés qui sortent et qui sont pas ouf et qui étaient pas comme c'était prévu d'être. Parce que ils ont. Oui, pourquoi ça serait pas la norme, cette espèce de pression de l'échec aussi dans les Ça s'appelle l'argent, quand t'as l'argent, tu t'en fous un peu de tout, tu vois. Toi, demain, si tu pètes ta bagnole, tu vas dire putain, fais chier, j'ai pété ma bagnole, ça coûte cher. Si t'es milliardaire, tu peux en péter une toutes les semaines, c'est pas grave, tu t'en fous. Et qu'est-ce que t'en sais que je suis pas, mon petit pote? Et qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas pété? Je sais que t'es pas milliardaire, ça, je le sais, ça. Parce que sinon, t'aurais des cheveux. Et oui, il a raison, Chronica, il y a aussi énormément de concurrence. rien à voir. Il y a aussi énormément de concurrence dans le jeu indé, donc bah, il y a la pression aussi de la concurrence. Mais en même temps, oui, oui, il y a de la concurrence aussi dans les AAA, mais encore une fois, bah, quand t'as beaucoup d'argent, la concurrence, tu t'en fous un peu. Au pire, s'il y a de la concurrence, tu le rachètes. Et t'attends que la Commission européenne le valide un an après la date de rachat. Hein enfin, ah, le contre-exemple, Simani Shiki, c'est les derniers jeux Pokémon, quoi. Alors, c'est pas eux qui les dev, ok, très bien, mais ils les sortent quand même, hein, les trucs pas finis, alors qu'ils pourraient attendre 6 mois en plus. Et... Oui, Nintendo, et ça, Nintendo est assez fort pour annuler des projets assez développés, voire ne pas sortir les projets qui étaient finis. Il y en a beaucoup comme ça. Mais encore une fois, on s'éloigne du débat. Nintendo est assez fort pour empêcher des projets qui sont meilleurs que ceux qu'ils ont fait sous couvert de copyright. Avant. Et ils auraient juste intérêt à les reprendre comme Sega l'a fait d'ailleurs. Mais ce n'est pas le débat, encore une fois. Argent, on parlait d'argent. Très bien, bah du coup on va s'arrêter là pour pas que l'émission dure 4 heures parce qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses, j'ai l'impression, et même vous dans le chat là vous êtes très très actifs. Merci. À l'argent, hein. Merci beaucoup pour vos n'hésitez je pas. Je trouve même véhément. Véhément, l'ambiance est délétère. On sent les gilets jaunes du jeu vidéo. Exactement. N'hésitez pas à mettre dans le chat hein, même vous qui êtes sur la VOD sur YouTube quel est pour vous le bon prix pour un triple A. Voilà, combien vous serez prêt à mettre? Est-ce que 80€ c'est trop cher pour vous? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous seriez prêt? Dites-moi, on lira ça tout à l'heure en fin d'émission. Je voulais faire un deuxième petit débat, mais on va pas avoir beaucoup de temps. Donc on va parler rapidement. C'était juste la Nacon Connect, dont l'éditeur français Nacon, qui avait présenté pas mal de son line-up il y a quelques jours. Ils ont annoncé les nouveaux Tours de France, Pro Cycling Manager, comme chaque été, le 8 juin. Rugby 24 qui sortira le 7 septembre. Un éditeur très axé sur le sport désormais, hein. Un nouveau jeu ATP WTA de tennis aussi, un nouveau TT Isle of Man donc pour la moto, la sortie en version Switch de Session, le jeu de skate hyper trop même réaliste, qui est vachement bien, mais qui est trop réaliste donc injouable. Sinon il y a la date de sortie pour War Hospital, le 31 août, où vous serez chargé de venir en aide aux victimes de la Grande Guerre tout en gérant au mieux votre stock et votre établissement, qui est un jeu qui a l'air très bien aussi. Je vous incite à regarder ça si vous tombez dessus. Et aussi, les deux jeux les plus attendus de cette conférence étaient sans doute Robocop Rock City. Je voulais qu'on en parle un peu, mais on va pas avoir le temps. Oh, les jeux Robocop, c'est souvent des purges quand même. Hein. Ouais, bah là, voilà, c'est entre shooter nerveux et phase d'indice, un peu à la Batman Arkham quand il devait un petit peu faire des trucs. Pourquoi pas. Et le jeu Gollum, alors pour l'instant, toujours à part des reports, on n'a pas beaucoup d'infos. Je pense qu'il va y avoir encore un report. Ça sent le Vaporware tout ça. Ouais, un peu, ouais. Gollum qui veut pas donner de date. C'est pour 2023, mais c'était pour 2022. On sait toujours pas quand ça va arriver. Bon, bref. Le trailer, un nouveau trailer a été présenté. Donc je vous invite à aller le voir aussi. On voit quelques persos de la licence comme Gandalf. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez sur YouTube voir toutes les infos qui ont été données sur la Nacon Connect. C'est moi ou Jack est plus marrant à l'écrit qu'à l'oral? Ouais, il devrait être plus souvent pas là. Ouais, on peut lui demander de fermer sa gueule aussi quand il est là, il lui donne un clavier. On va repartir dans le passé dans quelques instants avec Café 80. Et puis dans un quart d'heure, n'oubliez pas le moment des gros beats, hein, notre gros tournoi des animateurs toute l'année. On va se battre ici dans le chat et ici en studio. On va être des petites balayettes. Mais avant tout, on part donc du coup dans le passé, retour vers le passé. Avec Café 80. Café 80. Oh my god, we're doomed! Avec GameTrip.net. Hey, look, listen! GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. C'est vrai, vous allez adorer ça vous aussi. C'est vrai. On va aller vite encore une fois, puisque comme d'habitude, on est en retard, hein, évidemment. Suis-je obligé de le dire à chaque fois? Non. Bien sûr que non. Mais là, c'était le débat qui est parti. Non, mais là, le débat était très bien, et voilà, n'hésitez pas à continuer à débattre. Dans les commentaires pour le rétro gaming, qu'est-ce qui est arrivé ces derniers jours? On va parler notamment de Little Big Adventure. Elle est où la boîte? Elle est là, je vais pas la sortir. Little Big Adventure 1 et 2 de retour, la licence culte des années 90 d'Admin Software. On en a déjà parlé il y a une émission, je crois. Nouvel épisode qui servira de reboot qui a été annoncé, mais avant cela ce sera donc les deux remasters qui vont sortir, qui sont annoncés sous le nom de Twin Suns Little Big Adventure. Donc LBA 1 et 2 vont avoir droit à des remasters avec une refonte visuelle complète sous l'Unreal Engine 5. Pouah. Avec de nouvelles animations, une direction artistique remaniée, un meilleur suivi de caméra, une bande son remasterisée. Vous pouvez d'ailleurs déjà découvrir les premières images sur les pages Steam des deux jeux, puisque ça sortira sur PC et console en 2024. J'ai regardé les images Steam de ces remasters de LBA 1 et 2. J'ai pleuré. pleurer, voilà. Donc, allez vous faire votre propre avis. Je ne donnerai pas mon avis ici. Alors, parce que j'ai peur d'insulter des gens. LBA. Ah ouais, à ce moment-là. C'est si moche que ça. Bah, pourquoi refaire un remaster si c'est pour faire plus moche qu'un jeu qui a 20, qui a 30 ans? Ah, je sais pas, j'ai pas vu moi. Bah, non, mais voilà. Parce que moi j'ai beaucoup aimé LBA. Ouais, hein, non, mais le la jeu, Terre, je pense. Le jeu est magnifique. Le jeu LBA c'est français. Pour c'est l'époque, français, monsieur. Lynn, c'est français. Pour l'époque, le jeu était magnifique, mais je comprends jamais l'idée de faire un remaster qui a 30 ans de technologie derrière soi en plus et qui arrive à être plus moche qu'à l'époque. Ça me passe au-dessus. Donc sur PC et console en 2024 avec donc d'abord le reboot et ensuite enfin d'abord les deux remasters et ensuite un reboot. J'espère que le reboot sera un peu plus joli. On en parlait tout à l'heure vite fait dans la réunion Capcom Spotlight. Il y a Megaman, nouvelle bande annonce pour les deux volumes de Megaman Battle Network Legacy Collection qui sortira le 14 avril. Donc pour rappel, c'est un pack qui fait suite au pack Megaman Legacy Collection, Megaman X Legacy Collection et Megaman ZX Legacy Collection, donc des gros packs qui regroupent tout. Et donc dans celui-là, il y aura les 6 jeux Battle Networks, donc c'est des tactical RPG qui sont sortis sur Game Boy Advance entre 2001 et 2005. Ils sortiront tous sous un nouveau pack le 14 avril, on trouvera des fonctionnalités supplémentaires comme 499 nouvelles cartes utilisables dans les jeux et un mode Buster Max. Voilà, donc ça sortira en avril. Après Front Mission 1 Remake et il y a Front Mission 2 qui a été annoncé aussi en remake. Jeu de 97 sur PlayStation. Ce sera le 12 juin. Toujours uniquement sur Switch pour le moment, au tarif de 34€. Tu vois, c'est moins cher sur Nintendo. C'est vrai. Et un remake du troisième volet qui doit aussi voir le jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le remake de System Shock. Quelle surprise, qui est repoussé encore une fois. Après de multiples retards, il était prévu en mars, mais non, faudra attendre finalement le 30 mai prochain sur PC et sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Il y a des gens qui l'attendent vraiment ? Bah plus trop, parce que au bout de la 7ème ouais, report, je crois que tout le monde s'en fout là. Je rappelle qu'on avait déjà parlé, hein, ce remake est prévu chez Night Dive Studio, qui à l'origine de nombreux remasters est ressorti en version Enhanced HD de titres des années 90 comme Blade Runner. J'en avais testé plusieurs, non merci. Donc voilà, est-ce qu'on l'attend? La réponse est pas trop pour pas l'instant. Trop. Non, pas pour trop. L'instant pas trop, mais on verra pas bien. Trop. Ça peut être bien. Ça peut-être que Jack connaît. Le simulateur de vol Terminal Velocity qui a été créé en 95 par Terminal Reality, qui est le studio à l'origine de Blood Rain. Il va ressortir en booster édition. Donc il revisite le classique en écran large avec une distance d'affichage plus grande et une nouvelle fluidité. J'ai jamais entendu parler sorti, de ce truc. Il est sorti sur PC et Switch et il est prévu aussi sur console prochainement. Donc voilà, Terminal Velocity, voilà, simulateur de vol, un des premiers bons simulateurs de vol un peu qualitatif, on va dire, en tout cas de cette génération-là. Et voilà, Jack connaît évidemment. En simulation, il sait connaître Jack. Ah, c'est ce qu'on me dit souvent. Et enfin, Return to Castlevania est sorti. C'est un DLC pour le jeu Dead Cells. Ouais, pour Switch, PC, Xbox, PS4, qui nous fait explorer le château de Dracula peuplé du bestiaire et des personnages de la série de Konami avec 14 armes dont l'eau bénite et une cinquantaine de thèmes. Il y a aussi un mode qui permet d'incarner Richter Belmont. On peut aussi débloquer son costume pour le personnage principal, de même que 19 autres personnages de la saga dont Alucard. Voilà, donc tout ça c'est pour c'est un DLC qui vient de sortir pour Dead Cells, qui est un très bon jeu. Très bien, n'est-ce pas, Yako? Très bien. Moi j'ai toujours bien aimé Castlevania. Ouais. Est-ce qu'on va parler de Symphony of the Night? Non, parce que c'est largement le meilleur. Et ceux qui disent l'inverse, je vous emmerde. Il y a des personnages de Symphony of the Night qui sont débloquables dedans. Non, mais voilà. C'était vraiment des bons jeux. Et après, le passage au 3D, moi j'ai pas aimé, mais bref. Parenthèse fermée. Et chronique terminée aussi. J'ai rushé et on est presque dans les temps maintenant. C'est magnifique. On est presque à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir dans quelques instants? On va avoir évidemment la chronique. Enfin, non, pas la chronique. La partie du quiz. Les gros bits. Et pour cela, je vais tout de go faire une petite... Comme les grosses têtes, mais avec des bits. Exactement. On va faire une petite manipulation très simple. Et Jay, je vais t'inviter à faire la même chose. Que vous ne voyez pas, mais qui va être très importante. Puisque c'est cette manipulation qui va nous permettre d'avoir... Regarde. Hop là, blim blim. Oh, comment c'est bien le turfu. Le turfu est là. Oh là là là. Technologie. On lance le jingle tout de suite et c'est parti pour la dernière partie de cette émission, les gros bits. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Pouvez répéter la question? Les gros bits. Excellente réponse. Et c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits. Le concept est simple, une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois, attention, tous les bros jouent pour eux, il n'y a pas d'équipe, c'est un battle royal jusqu'à la fin de la saison pour définir qui devra payer son tacos aux autres. Et comme chaque édition, il y aura une thématique. Cette semaine, on part sur les mangas dans les jeux vidéo avec l'annonce de Budokai 4 et de Cobra. De merde. Et pour cela, j'accueille un super sub, Skiltarl, qui est d'habitude avec nous, n'est pas là. Ce sera Jamet aujourd'hui qui sera avec nous. Salut Jamet. Salut les copains. Voilà, salut. Salut. Il est là, il est beau, il est grand, il est frais, il est presque et réveillé. Il est aussi chauve. Il est chauve. On a deux chauves dans le. Il est chauve. Il est chaud et il est chauve. Bah, est-ce qu'on considérerait pas Yako comme chauve parce que vu ce qu'il reste, bon. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Ouais, mais moi j'ai pas de cheveux gris. Oh ouais, mais j'ai rien à dire. C'était gratuit. Pourquoi c'était gratuit. C'était cadeau. Allez. Ça va, ils sont gris, ils sont pas blancs. J'ai déjà dit la fois où quand tu découvres quand t'es vieux, c'est pas quand t'as les cheveux gris, c'est quand tu commences à avoir des poils de. Enfin bon. Des poils de barbe. Gris, voilà, exactement. Des poils de. Voilà, ouais. Alors, Jamet, évidemment, le show avec une queue de cheval, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, en effet. Jay a 6 points, Jay est dans le chat, donc, enfin, Jay est dans le. Est là avec nous, physiquement, mais il est avec nous, toujours présent, évidemment. Donc, il a 6 points. Jack, qui n'est pas là, est remplacé par Jamet, qui joue donc 5 points actuellement. Et Yako, qui a 4 points à la fin, évidemment. Il y aura question bonus subsidiaire qui permettra de reprendre des points. Mais on va commencer, comme d'habitude, on va commencer par les plus mauvais d'abord. Ouais. T'es mauvais, Jack. T'es mauvais. Bah non, t'es mauvais, Jack. Jack. Il est mi-mauvais. Ouais. Première question, c'est pour Yako. Donc, l'un des tout premiers jeux Dragon Ball. Oh. Sorti en 86 au Japon. Dragon Ball Shenron no Naso. En français, le naso du dragon. Non, pardon, le secret du dragon. Le test est à retrouver d'ailleurs sur GameTrip.net. Sur NES. Est arrivé sur NES en 90. Avec les petits seulement. Paquets de coke. Mais oui, avec les petits paquets de coke qui étaient des culottes à l'envers en fait. L'édition US est connue sous le nom Dragon Power et non pas comme chez nous Dragon Secret Dragon. Que je vais pas savoir, mais vas-y. Pour quelle raison? Alors la première réponse, parce que Bandai America n'avait pas le droit d'utiliser la licence Dragon Ball sur le continent américain, donc ils ont renommé Dragon Power. Le mais je crois alors, savoir. Le public américain ne connaissait pas Dragon c'est Ball. C'est parce que ça veut dire couille. Et Bandai America l'a donc transformé. On a le droit de dire couille sur Switch. Alors, si t'entends pas les réponses, tant pis pour toi. Pardon, vas-y, vas-y. Le public américain ne connaissait pas Dragon Ball et Bandai America l'a donc transformé en titre de Kung Fu random. Ou alors, Dragon Ball était censuré et interdit dans les médias américains. Le jeu a donc changé de nom pour tromper l'ennemi capitaliste. Ou alors, Dragon Power signifie Dragon Ball en américain. Putain, j'étais presque sûr que c'était une histoire que Dragon Ball, ça veut dire les couilles du dragon et c'est pour ça qu'ils l'ont pas dit. Non, Dragon Power signifie Dragon Ball. Alors... Attends. Soit ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence sur le continent, non. Soit le public ne connaissait pas Dragon Ball, soit Dragon Ball était censuré, soit la connerie, parce que la quatrième, c'est toujours une connerie. C'est j'hésite long, hein. Entre la censure... Est-ce que vous l'avez dans le chat? Mais est-ce ne le dites pas. Non, est-ce mais que vous le l'avez pas. Dites pas juste si vous l'avez. Est-ce que c'est la censure ou est-ce que c'est pas connu? Est-ce que c'est la censure ou est-ce que c'est pas connu? Allez, c'est la censure. Tu connais pourtant bien les émissions au JDG, il en a souvent parlé... du fait que Dragon Ball est arrivé très très tard chez les Américains, fin 90, nous on l'a eu grâce au Club Dorothée, mais les Américains ont commencé à connaître Dragon Ball, le manga, en 2000 quasiment, et donc le public américain ne connaissait pas Dragon ah, Ball. Ah merde. Bandai américain l'a donc transformé en titre de Kung Fu, dedans les noms ont changé, c'est les boules de cristal, c'est adapté du roman La Pérégrination vers l'Ouest, ou le Roi Singe, qui est lui-même celui qui a donné l'idée du manga. Donc voilà, tout le monde l'avait dans le chat, mais pas toi, ça fait 0 points. Eh oui, ben, que voulez-vous. 0 points comme les mauvais. Ça aurait été quand même plus drôle que c'est parce que ça fait dragon, ça fait les couilles de dragon. Ouais, bah c'est vrai. Hein. Et en même temps, dedans, c'est vraiment les boules du dragon. Hein. Donc, ouais, donc voilà. Deuxième question, ce sera pour Jamet, qui joue pour Jack aujourd'hui. Dans... Écoute, tant que c'est pas pour moi, ça va, comme ça, j'ai pas l'impression. Alors, est-ce que tu pourrais par contre sortir des chiottes éventuellement? Ben, je n'y suis pas. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Alors, on aura vraiment dans les conditions du vrai direct de quelqu'un qui est au téléphone. Voilà, excuse-moi, mais c'est mieux que je puisse faire pour l'instant. Dans Naruto Ultimate Ninja Storm 2, quelle est la particularité du combattant Lars, qui est un guest de Tekken 6 et 7? Réponse A. Dans la version américaine, le personnage est doublé par celui qui fait la voix japonaise de Kakashi, donc un personnage de Naruto. Ou alors, le personnage n'est pas disponible dans la version japonaise du jeu, seulement dans les versions US et européennes. Ou alors, c'est le seul personnage à ne pas être doublé. il pousse quelques cris et grognements en japonais. Ou alors c'est le seul blond du jeu car il est suédois. Je rappelle ce que c'est déjà, Naruto. Je peux éliminer la 4 pour commencer. Il y a Naruto, c'est vrai qu'il est blond. Ouais, déjà. Pourtant j'ai joué aux deux, mais j'ai aucun souvenir de ce perso-là. Tu me redis rapide les trois premières que j'essaie de donner un point à Jack quand même. Tout à fait, bien sûr. Dans la version américaine, le personnage américain donc, est doublé par celui qui a fait la voix japonaise de Kakashi, ce qui est drôle. Le personnage n'est pas disponible dans la version japonaise, mais seulement dans les autres versions, ou alors c'est le seul personnage à ne pas être doublé, puisqu'il pousse des cris et des grognements en japonais. Voilà. Bah, je ne pense pas que ce soit non plus à deux, puisque pour moi, c'est quand même Tekken, c'est quand même un jeu connu au Japon, donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas dans la version japonaise, donc j'hésite quand même à l'aider à deux. Il n'est pas con, hein. Ah, il n'est pas con quand même. On dirait pas comme ça, mais il n'est pas con, hein. Mais là, ça va être du bluff, parce que dans les deux, ça se vaut. Mais j'ai envie de dire la une, quand même. La une Kakashi. Ça aurait été rigolo, en effet, mais c'est le seul personnage à ne pas être doublé. Désolé, il pousse quelques cris et grognements en japonais. Jack, est-ce que tu l'avais pour savoir si... Si je te donne un demi-point. Jack, il était encore sur la question, c'est quel perso. On parle de quoi, donc bon. Je pense que... C'est quel perso encore. Ah oui, d'accord. Ouais. Aucun regret. Donc ça fait toujours 6. Ça fait toujours 5 et 4 pour Jack et Yako. On va continuer avec Jay. Troisième question. Vas-y. Lequel de ces mangas ou animés n'a jamais été adapté dans un jeu vidéo? Oh, mais pourquoi lui il a la plus facile? Ah non, mais je suis à chier, mon gars. C'est tu vas voir. Shipter Pro. Ouais, exactement. Est-ce que c'est Seabird, qui est Bibi Fock en français? Est-ce que c'est Mask, le truc avec les voitures là? Je sais pas si tu c'est rappelles. C'est trop bien, Mask. C'est bien, j'adore. Ouais. Est-ce que c'est Hong Kong Fufu, c'est avec le chien qui fait du kung fu là? ou est-ce que c'est Pokémon? Attention, il y a un piège. Donc attends, c'est Mask. Bibi Fock. Mask. Bibi Fock. Hong Kong Fufu. Mais Pokémon. Oui, c'est normal. Non, mais Pokémon, mais c'est la question à la con. Hein. Ouais, qui a jamais été adapté, on est d'accord. Hein. Non, je considère que c'est. Je suis pas d'accord. Et donc, quel manga n'a jamais été adapté en jeu vidéo? Oui. Ouais. Je vais. Le Kung Fu Fu, c'est pas Jap. Je vais dire que c'est Mask. Attends, a retenu un message pour... race, origine ethnique. Merci, merci Jamet d'avoir remis Jap. Apparemment, on n'a pas le droit de dire Jap dans le chat. Mais j'ai quand même bien lu avant hein, pour m'assurer qu'il n'y avait rien de scandaleux. Ouais. je m'en voudrais de te priver de ta monétisation. Et du coup, je disais Mask. Non, c'est Seabird, Bibi Fock. Okay, bon, tant pis. C'est moche. Dommage, hein. Ça sentait le piège, mais bon. Ça sentait le piège. Oui, justement, c'est ça. Alors, truc marrant, c'est que j'ai tout tenté. J'ai mis Samurai Pizza 4, j'ai mis les Moomins, j'ai mis les. Ça existe les Polluards, j'ai tout mis. Ah, les Polluards, ça existe. Non, mais il y a tout. Vraiment, tous les trucs. Tous les mangas, tous les animés, tous les dessins animés des années 90 ont été adaptés. Sauf Bibi Fock. Bah, Bibi Fock, je l'ai pas trouvé. Alors, si jamais vous l'avez eu. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Oui, bah, oui. Ah, oui. Si jamais vous l'avez eu, dites-le nous quand même dans les commentaires, hein, parce que. Merde, j'aurais pas dû le dire. En même temps, on va avoir un Bibi Fock en cel shading en open world. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ou alors Noot, comment il s'appelait Pingu. Noot. Ouais. Je pense que ça existe. Un jeu Pingu, ça doit exister, mais ça doit exister dans les vieux jeux en flash ou des trucs comme ça. Donc ça fait 0 points en fait. Personne n'avait des points. Mais attention, Yako a 4 points. Yako a 4 points. Jack a 5 points. Jay a 6 points. Donc c'est une question à 3 points. C'est une question à 2 points. À 2 points. Alors faut pas déconner non plus. À 8 points. Tu vas pas passer quand même devant Jay alors que tu es mauvais. À 12 points. Non. À 1000 points. Alors pour madame, attention pour madame. 4000. On joue aujourd'hui pour madame Giscard de Stein dans le 93. Voilà. Jay, tu l'as validé celle-là? Ah ouais, mais c'est pas assez cul. D'accord. J'en ai des culs. J'en aurai pour la prochaine alors. Question et attention, vous allez tous me le dire en même temps comme la dernière fois. Vous allez tous. Alors pendant que Yako est en train de. Je vais essayer de crever sa race. Voilà. Hop là, tiens, on va lui fermer sa gueule comme ça. Voilà. Vous allez tous me dire la réponse en même temps. En même temps. Alors tu ne gueules plus jamais comme ça dans le micro parce que je n'ai plus de d'ouïe à droite. Combien de jeux de la licence Dragon Ball tout confondu, Z, Super Kai, même si GT, même s'il a jamais existé, tout confondu. Je vais vous laisser un instant de réflexion. Attends, et sur quoi? Sur toutes les consoles et tout? Toutes les consoles, ouais, tous les jeux de la licence. Il y a des jeux mobiles et tout ce que tu veux. J'ai évidemment pas pris les jeux mobiles parce que c'est pas des jeux vidéo. Donc ta réponse est fausse déjà, vas-y continue. Non, c'est la vraie réponse, attention. À 200 près, en effet, comme dirait Tourche, à 200 près. à 0 près, puisque ça va être celui qui est le plus près de la réponse. Non, pas juste DBZ, Dragon Ball Z... Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai, Dragon tout Ball GT, tout type de jeu, tout confondu. Toute la franchise Dragon Ball. Les jeux mobiles en moins. Je pense pas avoir vu des jeux mobiles. Ah bah moi j'en vois. J'y joue pas et je les ai pas vus dans la liste que j'ai compilée. Hey, pour une fois, le 42, c'est dans les réponses plausibles. 42 ouais, de Jack. 49-3. Tellement loin. Non, 42 pourrait être une réponse plausible. 49-3. Tout le monde donne ses réponses là dans le chat. 49-3. 42-58. Attention, je vais vous laisser encore 3 secondes. Pourquoi personne ne me suit ma blague? Et vous allez... 3, oui, drôle. On a compris, c'est drôle. Allez, c'est bon. C'est Elisabeth Borne, 49-3. C'est bon, on a compris. 64, oui. Non, 64. Allez, Pierre Palmade, vas-y. 75. 72. Moi, je dirais 70, ouais. C'est vos vraies réponses? Oui. 75, 72, 70. Qui a dit 75? C'est moi, c'est Jamet. Eh ben Jamet, c'est 127. Boah, mais c'est n'importe quoi. Donc... En vrai, j'ai pensé à plus de 100, je me suis dit que c'était un peu gros, mais rien qu'au Japon, je pense que la moitié des jeux qui ont été édités pour Dragon Ball, il y en a eu un paquet. Oui, non, mais voilà, il y en a tellement. Déjà, des jeux Dragon Ball, il n'y en a pas eu tant que ça, mais des jeux Dragon Ball Z, il y en a vraiment eu peut-être 50 sur les 127. Et après, il y a eu plein de trucs à la con. De comment on appelle ça, de spin-off, de machin, bon. Donc ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Jamet, grâce à toi, Jack passe en tête à 7 points. Ça me fait très plaisir. Voilà. Hein, bande de tricheurs. 7 points pour Jack, 6 points pour Jay, 4 points seulement pour Yako. On le répète encore une fois. Je vous laisse de l'avance. Mais on le rappelle toujours, hein, à la fin de la saison, la question subsidiaire vaudra 69 points. Qui permettra au dernier d'être premier, évidemment, comme à chaque fois, puisque on le rappelle, cette émission et ce jeu est totalement pipoté, en effet. Merci à tous pour cette émission. Merci au chat d'avoir vertement participé dans le chat, tout simplement, puisque c'est le principe du truc. Ça, c'était de l'interjection. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous normalement le dimanche 2 avril à 11h sur twitch.tv/JIVEJV. Et évidemment, comme d'habitude, la VOD sur la chaîne JV sur YouTube. Et vous pouvez télécharger l'intégrale très rapidement sur toutes les plateformes de podcast. Toutes les plateformes, vraiment toutes. Bon dimanche à tous. Merci à tous. Merci au chat d'avoir participé. Merci à vous d'avoir écouté. Merci aux chroniqueurs ainsi que ceux qui étaient là sur le Discord aujourd'hui. Bisous les amis. Bisous. Bon poulet au curry pour Jack. Poulet frites. Bon poulet frites pour les autres. À dans 15 jours. Bisous à tous. Ciao. Ciao. Salut, ciao. Thomas.